ce matin. Et ça, c'est une bonne nouvelle avec encore de la grisaille. Mais on espère le retour d'éclaircies à partir de l'est du pays. Ça devrait rester très nuageux, par contre, sur une bonne moitié ouest. Attention, la situation météo n'a pas foncièrement changé. Donc, ça veut dire aussi que cet après-midi, eh bien, on sera encore vigilant à ces averses susceptibles de se produire en Allemagne et aux Pays-Bas et qui vont à nouveau s'enrouler et revenir sur la Belgique. Alors, a priori, ça n'aurait pas l'intensité d'hier, mais on va rester très vigilant. Les températures, 16 degrés en Ardennes, 18 dans le centre, 21 en Campine. Le week-end, hausse des températures, 22 degrés sur le centre demain, 24 dimanche. Mais attention, demain, il y aura encore un risque orageux en fin de journée. C'est Viva, il est 9h. Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les habitants de Nassogne, en province de Luxembourg, se réveillent donc les pieds dans la boue. Des habitants surpris hier soir par la montée des eaux. En quelques minutes, la Ouham a débordé dans les jardins, dans les maisons. Marie-Jean, une habitante de Masbourg, ne peut que constater les dégâts ce matin. Elle a fait l'état des lieux avec Sonia Boulanger. La voiture de ma compagne. Et elle a inondé. Elle est inondée, oui. Il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans, et alors on ne sait pas, on va voir si... Il faudra éponger, aérer, avant de pouvoir voir si le moteur est atteint. Et là, on voit, c'est vraiment désolant, hein, ce qu'on voit. Ah, c'est... Oui. Mais dans la maison, c'est pareil. Vous voulez venir voir ? On va aller voir, alors. Faites attention, ça glisse très fort. Hein. Ça glisse ici, ça va donc gerfer un petit... Mais faites attention, sérieusement, ne vous cassez pas la pipe. Non. Regardez. Oui. Et il y a même des billes de chemin de fer, donc vous voyez vous le avez poids. Perdu beaucoup de choses, vous pensez? Ben, écoutez, je n'ai pas encore fait le bilan total, mais il y a quand même... Il y a eu ici, voyez-vous, le niveau de l'eau. Ah oui. Vous venez voir. Ça fait au moins un gros 50 cm, oui. Ça. Hein. Faites attention. Oh là là. Voilà. Catastrophique. Oui. Voilà, donc le four est atteint. Il y a de la terre, de la boue dans le four de cuisine. Oui, oui, oui. Ici, bon, voilà. J'avais enlevé, heureusement, ici, voyez-vous, l'eau atteignait, parce que la hauteur du deuxième niveau. Et la situation est la même dans l'ensemble des localités voisines. À Arsin, un agriculteur est toujours porté disparu à l'heure qu'il est. Il aurait été emporté par le courant alors qu'il tentait de sauver ses ruches hier soir. Les recherches se poursuivent ce matin, mais les conditions météo sont très difficiles. À Bande, village dévasté par les coulées de boue, la Nationale 4 est toujours partiellement fermée à l'heure actuelle. Ces inondations sont la conséquence des fortes pluies de ces derniers jours. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les heures et dans les jours qui viennent? Réponse de Paul De Wilde du centre de crise de la région Wallonne. Pour la matinée, l'amélioration continuera sans problème. Par contre, il faut s'attendre à une nouvelle zone orageuse pour la deuxième partie de l'après-midi et la soirée. Et évidemment, avec les orages, on ne sait jamais où ça va tomber exactement. Et donc, il faut rester particulièrement vigilant, non seulement dans la région où ça a débordé hier soir et cette nuit, mais sur l'ensemble du territoire wallon. Il pleut quand même depuis plus de 10 jours de manière régulière. Donc, la moindre pluie un tout petit peu intense va évidemment donner lieu à un ruissellement important. Paul De Wilde du centre régional de crise joint par Lionel Denebourg. À Paris, tous les yeux sont rivés sur la Seine. L'eau monte, elle pourra atteindre les 6 mètres dans la journée et elle menace certains musées. Le Louvre restera fermé toute la journée. Il faut déplacer certaines collections vers des zones non inondables. On se dirige vers la fin de la grève à la SNCB. Oui, alors n'allons pas trop vite, ça va un peu mieux, mais le trafic reste très perturbé ce matin. Un train sur deux ou trois roule sur les grands axes. Cette embellie s'explique par la volte-face de la CGSP. Les cheminots ont voté la reprise du travail hier soir, d'après le journal L'Écho. Un retour à la normale est même prévu dès 22h ce soir. Syndicats et direction se revoient dans une heure. On en parlera tout à l'heure dans C'est vous qui le dites. Les Italiens de Belgique sont en fête tout ce week-end. Avec un peu d'avance, ils célèbrent les 70 ans de l'accord conclu entre l'Italie et la Belgique, un accord souvent appelé des hommes contre du charbon. À partir de 1946, 50 000 Italiens sont arrivés dans notre pays pour travailler dans des mines, là où les Belges ne voulaient plus descendre. En échange de quoi, l'Italie en crise a pu acheter du charbon à notre pays. Françoise Barré a rencontré Giuseppe Santoliquido. Il raconte l'histoire de son père venu travailler en Belgique. Un père qui rêve de retourner le plus vite possible en Italie. Mais finalement, les choses ne se passeront pas comme cela. Mon papa est arrivé en Belgique, en région liégeoise, avec son père, en septembre 47, pour travailler dans les mines et les charbonnages. Sa grand-mère, il s'en souvient, nourrissait le désir, le rêve de rentrer en Italie, très vite. Elle gardait les valises en dessous du lit, elle ne voulait pas les ranger parce que ça aurait été symboliquement ancré sur le territoire belge. Le père de Giuseppe Santoliquido travaillait pour qu'enfin il puisse bâtir une maison là-bas et retourner là où il avait vécu ses jeunes années. Le rêve de retour en Italie a tourné court pour la famille, et comme souvent. Donc il a voulu monter un commerce de réparation automobile. Et on venait le payer avec un litre d'huile ou un poulet mort. Il ne s'est pas réadapté à la mentalité un peu de débrouillardise, je vais dire, qui régnait à l'époque dans le sud de l'Italie. Et au bout de 9 à 10 mois, il est rentré. Je me souviendrai toujours de la phrase qu'il m'a dite à ce moment-là. Il m'a dit « Je viens de m'apercevoir que je ne suis pas italien, au fond, mais je suis belge. » Ça m'a ouvert un rapport à l'identité qui n'était plus le rapport classique des Italiens immigrés, c'est-à-dire la Squadra Azzurra, l'équipe nationale, la Ferrari, le café, la 500 et tous les gros clichés qui peuvent circuler. En fait, se sentir italien pouvait se vivre ailleurs que sur le territoire national. Le mythe de l'Italie, le fantasme de l'Italie se fracasse souvent contre une certaine réalité du quotidien. Une rencontre signée Françoise Barré. La journée des Diables Rouges, qui vont quitter l'entraînement quelques heures pour se rendre dans les écoles aujourd'hui. Oui, les joueurs rencontrent les élèves de 5 écoles francophones et 5 écoles néerlandophones aujourd'hui. Pour Marwan Fellaini et Christian Benteke, ce sera l'école d'enseignement spécialisée L'Arbre Vert à Mons. Depuis qu'ils ont appris la nouvelle en début de semaine, les élèves sont évidemment tout excités. Guillaume Gilbert est allé voir comment se préparait cette visite tant attendue. On va faire dédicacer des drapeaux, faire des photos. On va faire dédicacer des cartes aussi. C'est l'effervescence dans les classes de Madame Céline et Madame Marie. Les enfants sont sur un nuage depuis qu'un certain Eden Hazard a appelé leur institutrice pour annoncer la bonne nouvelle. Là, petite crise d'hystérie entre nous, mais on devait garder le secret pendant une semaine, donc ça a été long. On l'a annoncé aux enfants seulement ce lundi. Ils sont ravis. Ben Marwan Fellaini. Je pensais que c'était Eden Hazard qui vient. Si certains auraient aimé voir leur idole Eden Hazard, les enfants ne boudent pas leur plaisir. Ils veulent accueillir Fellaini et Benteke comme il se doit. On a préparé la tour Eiffel pour leur faire signer, un cadre pour leur offrir, une fourche pour faire des photos. Le programme est très serré, les deux joueurs resteront dans l'école pendant une heure, pas plus. Céline Villain, institutrice. Ça fait beaucoup de préparatifs pour une heure de temps, mais c'est peut-être le rêve de certains enfants de rencontrer un joueur de foot. C'est l'occasion. Un petit match de foot est prévu entre les deux joueurs et les enfants, mais Gauvin, lui, croise les doigts pour la météo. J'espère qu'il fera beau. S'il se glisse et il se casse la jambe, c'est dommage. Mais les deux diables auront probablement la chance de leur côté, puisque les enfants vont leur offrir du fameux crin du doudou. Ça va lui porter chance, au moins il gagnera tous les tournois. Au moins on verra au foot s'il gagne, pour voir si ça porte chance. Et espérons que ça porte chance à nos Diables Rouges, à l'Euro qui commence dans tout juste une semaine. Un super Friday aujourd'hui à Roland-Garros avec 4 demi-finales. Il faut rattraper le temps perdu à cause de la pluie. Chez les dames, Serena Williams affronte la néerlandaise Kiki Bertens et l'espagnole Garbine Muguruza joue contre l'australienne Samantha Stosur. Chez les hommes, Stan Wawrinka joue contre Andy Murray et Novak Djokovic affronte Dominic Thiem, tombeur hier de David Goffin. RTBF Mobile Info, Marjorie Bilot, prudence, les conditions météo sont difficiles à certains endroits ce matin. Mais oui, surtout en province de Liège et en province du Luxembourg. Et puis les conséquences, eh bien, on les ressent au niveau trafic, évidemment. Sur la N4, donc, la circulation n'est pas évidente entre Tenneville et Marchand-Famenne dans les deux sens, puisque pour l'instant, le nettoyage de la chaussée est toujours en cours, surtout à hauteur de Bande. Donc la circulation se passe au ralenti. Restez bien prudents. Et puis du côté de la Nationale 849 aussi, on a toujours une chaussée fermée entre Forrières et Fourneau-Saint-Michel. Là aussi, dans les deux sens, et sur 7 km. Alors, conditions trafic difficiles sur le 42 Prume-Baptiste, suite aux travaux entre Sarlespa et Poller vers Baptiste. Néanmoins, il y a beaucoup plus de ralentissement que d'habitude. Ces fils commencent à Vanspa et vous perdez plus d'une heure sur 11 km vers Baptiste. Non loin de là, sur l'A602, Lons-Saint-Chêné, accident à hauteur d'Avroy-Laveu, avec là eh bien, une voie neutralisée et aussi une circulation fortement ralentie vers Chesnay et donc vers les axes aussi vers Liège-Centre. On voit que c'est bien encombré aussi sur donc, le 25 qui va vers Liège-Centre et qui vient de viser. Concernant le ring de Bruxelles, eh bien, on a toujours encore quelques minutes perdues entre Braine-l'Alleud et Léonard vers Zaventem et puis des ralentissements principalement aussi entre Wautier-Braine et Bercelles. Ailleurs, les files eh bien, sont un peu plus habituelles. Et puis pour accéder à la capitale, on va juste noter encore cette vingtaine de minutes perdues sur le 411 à partir d'Overays jusqu'à Léonard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très belle fin de semaine à l'écoute de Vivacité sur la Une en télé. Le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Oui, cette folle semaine se termine avec votre regard sur l'actualité dans une seconde. Partie plongée, la bonbonne d'oxygène vous tombe sur l'orteil? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Présenté par un mec qui a embrassé Denitsa Ikonomova, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, ça fait donc 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? Le 23 juin 1946, la Belgique, qui a besoin d'hommes pour ses mines, signe un accord avec l'Italie. 70 ans, avec un peu d'avance tout au long du week-end, les Italiens de Belgique vont donc replonger dans leurs racines. En 1946, cet accord prévoit l'envoi de 50 000 hommes en échange de droits au charbon. Mais la demande est forte. Alors, entre 1946 et 1948, 85 convois, soit 75 000 hommes, vont arriver ici. Les Italiens qui veulent la mine doivent avoir 35 ans maximum, passer une visite médicale. On leur propose un contrat de 12 mois et en échange un logement, de la nourriture et des avantages sociaux. Le flux incessant d'Italiens cessera le 8 août 1956. C'est la fameuse catastrophe du bois du Casier et ses 262 morts. Alors la question pour vous ce matin, ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? Cette fois, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers, type de bâtiment, nombre de chambres, énergie. Qui croit que ça va faire baisser les prix? Depuis le temps qu'on en parlait, elle est donc là, la fameuse grille indicative des loyers. Elle n'est pas obligatoire, mais le propriétaire qui ne la respecte pas, dès 2017, n'aura plus accès aux primes de réhabilitation de la région. Ce sera la petite sanction. Dans cette grille, on tient compte de la situation géographique, l'époque de construction du bâtiment, superficie, nombre de chambres. Dans les critères énergétiques, présence ou pas d'un chauffage central, simple, double, triple vitrage, mur, sol, plafond. On a même prévu des critères d'accessibilité. Le PS... Paul Furlan voulait une grille obligatoire, grâce ou à cause du CDH, elle est indicative. La marge de négociation locataire-propriétaire serait de 20%. C'est la question pour vous ce matin. Cette fois, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers. Qui croit que ça va faire baisser les prix? Et puis au 070-233-466, à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. Pour celle d'avant 97, c'est déjà cuit. Bruxelles lance donc en 2018 sa fameuse LEZ, Low Emission Zone, pour combattre la pollution de l'air. Et outre le contrôle par caméra intelligente et non plus par vignette comme on le pensait hier, ce qui est très intéressant, c'est l'agenda. Donc, en 2018, votre diesel immatriculé avant 97 sera interdite. En 2019, l'interdiction des diesels d'avant 2001 sera effective. En 2020, interdiction des diesels d'avant 2006. Et en 2022, interdiction des diesels d'avant 2011. Bref, au-delà de 10 ans, votre diesel est persona non grata. C'est la question pour vous ce matin. À cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. Le standard est ouvert, Marion Jomotte. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. En bref, c'est les 70 ans de l'immigration italienne, l'arrivée de la grille indicative des loyers et enfin les voitures diesel bientôt sur liste noire à Bruxelles. Le débat peut à présent commencer. Les deux premiers débatteurs à affronter leurs arguments ce matin sont Isabelle Alanadouzi, fondatrice de Jump, une organisation qui s'occupe de l'égalité hommes-femmes en entreprise et au travail, et Martial Dumont, journaliste politique à l'Avenir. Martial, Isabella, bonjour. Bonjour. Ah, c'est à l'italienne pour ce premier débat sur la table. 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Isabella, je sais que vous avez des origines italiennes. Vous nous direz dans un instant qui est le premier de la famille à avoir posé le pied chez nous. Martial, d'abord un regard 70 ans après. Un jour, on signe un accord, des hommes contre du charbon, et ces hommes vont venir dans nos mines parce qu'on n'a plus assez de personnel, on n'a plus envie d'y aller. Votre lecture de l'histoire, c'est atroce comme accord ou c'était salutaire pour notre pays économiquement ? Alors économiquement, clairement, ça a été salutaire pour notre pays. On sait combien les Italiens ont été courageux dans nos mines et ont fait un énorme boulot qui nous a permis d'être à l'époque l'un des pays les plus riches et les plus prospères du monde, puisque le charbon avec l'acier et le verre était vraiment l'une des mamelles de la Wallonie. Et ce sont les Italiens, en grande partie, qui nous ont aidés à réaliser ça. Je voudrais un nom maintenant, Isabella. Quel est le premier dans votre famille à avoir posé le pied sur le sol belge ? Il s'appelait Pietro Lenarduzzi, et donc c'est mon grand-père qui est venu en tant que mineur à cause de ces accords de charbon suivis ensuite. Vous connaissez l'histoire, il vient dès 46 ou il vient plus tard ? Il vient dès 46. Dès 46. Hein. Oui, oui. Et puis en 48, il est suivi par sa femme et tous ses enfants, et on les a mis dans des baraquements. Alors c'est étonnant parce que l'accord prévoyait un logement digne. Mmh. Le logement était tout sauf digne puisque c'était des espèces de des baraquements de prisonniers qui avaient servi à des prisonniers. Exactement, c'était des tonneaux comme ça, coupés en deux, mis sur le sol, une terre battue, donc du fer. Ils étaient à plusieurs familles dedans, il y avait des rats, enfin c'était juste épouvantable. Ah, c'est pour ça que je vous demandais votre regard, Martial, est-ce qu'il y avait quelque chose à l'époque de l'ordre de l'exploitation de cette main-d'œuvre ? On a fait venir des hommes, ou on a fait venir une masse salariale qu'on n'a pas soignée comme il fallait ? Oui, ça, il faut bien dire que l'accueil à la base n'a pas été exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, dans les années qui ont suivi, ça s'est un peu amélioré. Mmh. Ils ont pu accéder à des petites maisons, des corons, etc. Mais c'est vrai qu'à la base, ils étaient véritablement parqués et on les utilisait, je ne veux pas dire quasiment comme des esclaves, mais c'était vraiment de l'exploitation. Vous avez pu parler avec votre grand-père, il avait l'impression d'avoir été utilisé comme un esclave à l'époque dans les charbons. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, toute ma famille ne remerciera jamais suffisamment la Belgique de les avoir accueillis, parce que sinon... C'était un sauvetage. C'est vraiment un sauvetage. Il n'y avait pas le choix si on voulait manger à sa faim et si on voulait donner un avenir à ses enfants. Et donc, merci à la Belgique d'avoir fait ça, même si c'était dans des conditions épouvantables. Jamais... Alors que maintenant, il y a par exemple tout un tabou sur l'immigration raisonnée. On a plein de métiers en pénurie actuellement et on n'envisage pas, parce que c'est complètement tabou, de faire venir des personnes qui auraient ces qualifications-là. Là, c'était vraiment... C'était contre du charbon. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que pendant 5 ans que de faire de la mine. Donc c'était vraiment des conditions absolument terribles. Donc la société a vraiment, vraiment évolué. De quelle région venait votre grand-père ? Du Nord-Est, le Frioul. Du Nord-Est. Nous sommes à Soumagne maintenant. Johanna, bonjour. Bonjour. Ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge ? C'est mon papa. En quelle année ? Mon papa est arrivé en 50 et puis maman est arrivée en 52... avec ma sœur, mon frère aîné, et mon frère qui a eu un an quand il est arrivé ici en Belgique. Ah, ils sont arrivés donc dans la deuxième vague. Votre papa, il vous dit pourquoi il part ? Il a l'impression de fuir l'Italie, il a l'impression d'arriver ici dans un Eldorado. Comment il vous explique ce trajet ? Ben écoutez, mon papa, quand il est arrivé, c'était le travail qu'il fallait, parce que bon, en Italie, il n'avait pas grand... En Sicile, puisque papa vient de Sicile, donc il n'avait pas beaucoup de travail, et bon, voilà, il est arrivé en Belgique, il a travaillé dans la mine, et nous, ici, il a travaillé toute sa vie, et il en est décédé, mais bon, voilà. Il en est décédé, ça veut dire qu'il est mort de ce travail, et mort de cette charge ? Écoutez, il est mort parce que bon, il y avait la maladie des mineurs. Vous portez quel regard alors sur cet accord ? Vous portez un regard tendre sur cet accord ? C'est une partie de l'histoire de la Belgique et ça a constitué une belle communauté italienne. Ou vous êtes plutôt sévère ? Votre père en est mort ? Bah écoutez, on est content parce que bon, moi je n'ai connu que ça, je n'ai connu que ma vie en Belgique puisque je suis née ici, mais les premières difficultés ont été d'abord l'intégration, qui n'a pas toujours été facile parce que comme papa en parlait, c'est vrai que on nous a toujours traité de sale macaroni. Bon voilà. Il est arrivé où votre papa? Mais on était dans une communauté, italienne. On habitait le quartier Saint-Folière en Outremeuse. Et là, ben, on a vécu avec des Belges qui ont été extraordinaires. Donc vous êtes arrivé à Liège. Chacun dira alors son trajet, Johanna, de la Sicile à Liège. Et on verra si la conversation s'impose. D'où venaient les Italiens de Belgique dans la deuxième partie. On verra ses fonctions des appels. Je termine rapidement autour de la table. 70 ans après, et vous savez que les questions d'immigration sont très sensibles en ce moment, on dit merci aux Italiens, Martial. Que doit dire la Belgique à l'occasion de ce 70e anniversaire? Merci. Oh ben, je pense qu'on peut les remercier d'être venus effectivement travailler dans nos mines. Et je pense que les Italiens d'aujourd'hui... Est-ce qu'ils attendent ça d'ailleurs d'après vous? Je ne sais pas s'ils l'attendent, mais en tout cas, je pense qu'ils sont contents finalement de la manière dont ça s'est passé. 70 ans après, il y a eu une parfaite intégration et une belle alchimie entre Italiens et Belges. On n'entend plus personne aujourd'hui, comme on disait à Charleroi, traiter les Italiens de mouilleux de tube. Ah, donc c'est une vieille histoire, l'histoire de sale macaroni. On est sorti de ça depuis bien longtemps, alors Isabella. Oui, je pense oublié, globalement, ça. On fait vraiment partie, particulièrement en Wallonie, on fait vraiment partie du paysage. On a des postes importants, en particulier dans les syndicats, mais aussi en tant qu'entrepreneur, les commerçants, les politiques. Je veux dire, la Wallonie sans les Italiens ne serait pas la Wallonie. On a énormément donné, on a énormément reçu. Martial veut réagir. Ouais, mais juste, on en rediscutera le 13 juin prochain quand on jouera Italie-Belgique, hein, parce que bon, faut pas. Mais là, mon cœur sera brisé. Je voudrais juste dire quelque chose, Benjamin, pour terminer. Justement, à toutes les personnes qui ont connu la même histoire que moi, une histoire d'immigration, qu'elle soit italienne, qu'elle soit polonaise, qu'elle soit marocaine ou qu'elle soit turque. C'est très important de savoir d'où on vient, pourquoi on est là et surtout de ne jamais oublier par rapport aux nouvelles immigrations, en particulier l'afflux de réfugiés qu'on a. On se doit de les accueillir dans les meilleures conditions. C'est un respect, ne fût-ce que de nos parents ou nos grands-parents à nous qui ont fait ce sacrifice. Ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge, et c'était où? Dans un instant, deuxième débat sur la table. Cette fois, elle est vraiment là depuis le temps qu'on parle de cette grille indicative des loyers. Ensuite, à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser d'Ardard de sa voiture diesel? Et puis 10h45, la question qui dérange. Une ASBL qui s'accuse Croissance et qui s'appelle Croissance est accusée par la dernière heure de faire du prêche anti-avortement dans les écoles primaires au moment des cours d'éducation affective. Est-ce que c'est vrai? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certains. Ouh, quel swing, bravo! Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà! Non, attendez! Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Ça veut dire double all in one! J'ai jamais vu ça! Jamais! Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. Sony, la famille, c'est le plus important. Je sais. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesses. Ma papa... Alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la maman, ça fait 10 ans qu'elle est partie, avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99 € par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à condition. Maintenant chez Sélection, un Canon Ixus 285 Essential Kit avec deuxième carte et housse offerte pour 229,95 €. Sélection, meilleur et pas plus cher. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Le Spa Eurorace. les 11 et 12 juin au circuit de Spa-Francorchamps. L'unique représentation du bel car à Francorchamps. Des courses internationales. Porsche, Ferrari, BMW et Aston Martin. 9 courses au programme. Un spectacle intense et gratuit. Infos et invitations sur racspa.be. Avec l'avenir et vivacité. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table, on commence l'actualité avec vous, avec Martial Dumont, l'avenir, avec Isabelle Alénard-Douzi, Jump. Cette fois, elle est vraiment là, depuis le temps qu'on en parlait. Cette grille indicative des loyers, donc le PS apparemment la voulait obligatoire, grâce ou à cause du CDH, elle sera indicative, parenthèse d'ailleurs, vous l'auriez voulu obligatoire, ou ça vous va consultative, Martial ? Je pense qu'il y aurait eu un intérêt certain à la mettre obligatoire. Maintenant, elle est indicative, mais il y a quand même des contraintes dont on va sans doute parler au niveau des primes. Et donc, c'est une solution alternative qui est acceptable, disons. Donc la question de ce matin est, qui croit que ça va faire baisser les prix ? D'abord, un mot sur la fiabilité. Vous croyez à ça, Isabella ? Donc une grille qui prend le quartier, l'année de construction du bâtiment, qui regarde le nombre de chambres, le logement, le double vitrage, tout ce qui concerne l'énergie. Et après, on en arrive à un prix. Vous croyez à la fiabilité de cette grille ? Oh, je trouve en tout cas que, comme c'est dit, c'est indicatif. Donc il y a des repères qui sont très intéressants. Après, par exemple, on n'a pas du tout le niveau sonore du bruit ambiant. On ne sait pas si on regarde une rivière, un jardin, ou si on n'a aucun vis-à-vis. Je pense que... Il y a plein de choses qui ne peuvent pas être prises en compte et qui expliqueraient qu'elle ne soit qu'indicative, qu'elle ne soit pas suivie. Parce que sinon, ça fait un peu soviétique quand même. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça donne des repères aux propriétaires pour fixer les prix et ça donne des marges de négociation aux locataires. Ah, sur la marge. Donc on nous dit à la région que la marge de négociation sera de 20%. Mmh. Donc regardez le chiffre dit par la région Wallonne et par sa grille. Et puis là-dessus, on pourra discuter de 20% à la hausse, à la baisse. C'est bien ça comme marge ? Mais ça, c'est un peu curieux quand même parce que si c'était une grille qui était obligatoire, ça aurait du sens d'avoir une marge. Ici, comme c'est une grille indicative, la négociation, on ne voit pas très bien où elle en est. Je dirais, une maison qui vaut 600 euros, si le proprio décide de la mettre à 800, comment voulez-vous négocier ? Il va dire, c'est 800, c'est 800, si ça ne te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Ah, ça, d'ailleurs, c'est un outil de locataire ou c'est un outil de propriétaire, Isabella ? Comme je viens de dire, je pense que c'est vraiment un outil très utile pour les deux. Mais il y a un bâton, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne rentre pas dans cette grille-là, avec les 20% de marge, on peut ne pas avoir de prime à la rénovation, même si la prime à la rénovation, ce n'est que pour les couples qui ont jusqu'à, je crois, 93 000 euros de revenus en un an. Mais en attendant, c'est quand même un bâton. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas obligatoire, mais il peut y avoir des conséquences. Mais c'est un bâton ou c'est un bâton que ? Propriétaire, si tu ne respectes pas la grille, tu n'auras plus les primes de réhabilitation. C'est quand même un bâton, parce qu'avec les contraintes de plus en plus fortes aujourd'hui sur l'efficacité énergétique des bâtiments, notamment quand on revend un bâtiment, etc., il n'y a rien à faire. Quand on fait des travaux dans une maison, souvent, ça concerne l'énergie. Et donc, les locataires seront peut-être quand même influencés par ce choix en disant « Ah, si je ne respecte pas, je ne pourrai pas avoir les primes qui sont quand même intéressantes. » Et donc ça, je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Si on laissait cette grille indicative, il fallait quand même cadrer et influencer les propriétaires pour qu'ils puissent, à un moment donné, réfléchir à ce qu'ils font. J'en prends un au hasard, je le mets dedans. Est-ce que c'est important pour calculer le tarif et le prix d'un loyer, de voir si le vitrage est simple, double ou triple. Est-ce qu'on a bien fait de mettre ça ? Eh bien oui, c'est un autre point positif de cette grille, c'est qu'effectivement, au niveau énergétique, on fait payer un petit peu plus cher quand la maison est plus outillée et plus préparée à l'économie d'énergie, s'il y a un chauffage central, s'il y a effectivement du triple vitrage, si la toiture a été isolée, etc. Bravo, parce que ça aussi, ça incite. Sur le vitrage ? Oui, je l'ai pris presque au hasard, hein, parce qu'il y a beaucoup encore de logements simple vitrage. Oui, oui, moi je trouve que c'est logique qu'on fasse payer plus quand on a fait des travaux dans la maison, notamment en matière d'isolation et de performance énergétique, dans la mesure où le locataire, grâce à ça, payera moins de charges, fatalement, puisque au niveau du chauffage, etc., il y aura moins de consommation. Donc il y a une certaine logique, effectivement, à pouvoir permettre une hausse, quelque part, du loyer s'il y a eu des travaux énergétiques qui ont été faits. Cette fois, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers. Nous sommes à Hatt. Christelle en ligne. Bonjour. Bonjour Benjamin. Vous qui êtes propriétaire notamment de 5 appartements, la question de ce matin c'est la suivante. Est-ce que cette grille va faire baisser les prix? Vous me dites quoi? Non, je ne pense pas. Et je voudrais rebondir sur ce que votre interlocuteur vient de dire en disant, ben oui, voilà, si on fait des frais énergétiques, alors on peut demander plus cher en loyer. Mais il faut savoir que les locataires, eux, leur revenu personnel, professionnel n'augmente pas. Donc on est toujours bloqué dans un sens que dans un autre. Ah bah attendez, si ça ne fait pas baisser les prix, qu'est-ce que ça va faire? Alors ça va les empêcher d'augmenter? À quoi elle sert cette grille indicative des loyers? Il y aura toujours des propriétaires qui vont exagérer et abuser. Oui, mais alors ils n'auront plus de prime. Un locataire va venir dire, oui, ils n'auront plus de prime, mais nous en tant que propriétaires, on ne veut pas de prime, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui serait intéressant, c'est un foncier qui baisse. Donc les primes de réhabilitation, c'est important Christelle, les primes de réhabilitation pour un multipropriétaire comme vous, c'est de la gnognotte, pas besoin. Pas besoin, non. Enfin, on a la chance de pouvoir travailler nous-mêmes dans le bâtiment, donc voilà, des primes on n'en cherche pas parce que ça ne sert à rien. Bah, vous irez voir quand même la grille indicative pour voir si vous êtes dans le bon, vous voulez rien savoir. Oh, il est sûr que par curiosité j'irai voir, mais je suis sûre que nous sommes dans le bon vu qu'on ne demande déjà pas des loyers très chers. Pour pouvoir garder des locataires à long terme. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Ah oui, c'est pas le cas partout, non, effectivement. Exactement. La marge de négociation. La marge de négociation, ça nous concerne même pas parce que dès qu'on parle de nos loyers, les gens viennent justement parce que ils voient un appartement entièrement carrelé, entièrement renouvelé, chauffage central, sanitaire conforme, cuisine équipée moderne. J'ai même pas une cuisine équipée comme mes locataires, donc voilà. Ah ben je vous dis merci pour la visite au passage. J'entends Christelle que cette grille indicative ne changera pas votre vie. Je termine autour de la table avec la question fondamentale. Est-ce que vous croyez que ça va faire baisser les prix, Martial ? Je ne pense pas que ça va faire baisser les prix, mais en tout cas, ça en fera certainement réfléchir plus d'un. Ça fera baisser les prix, Isabella ? Moi non plus, je ne suis pas certaine que ça va faire baisser les prix, mais bravo au pouvoir public, en tout cas, qui a fait son job en donnant juste des paramètres de décision et de négociation. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, multipropriétaire. Cette fois, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers, type de bâtiment, nombre de chambres, énergie, situation géographique. Qui croit que ça va faire baisser les prix ? Dans un instant, troisième débat sur la table, à cause du plan climat à Bruxelles. Est-ce qu'on doit se débarrasser d'art de sa voiture diesel ? Bientôt, on pourra plus faire rouler celle qui date d'avant 2006. Et puis 10h45, question qui dérange. Une ASBL qui s'appelle Croissance est accusée par la dernière heure de faire du prêche anti-avortement dans les écoles quand elle est appelée pour donner des cours d'éducation à la vie relationnelle. Est-ce que c'est vrai ça, des pros anti-avortement? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Maintenant, chez Dovi Awan, lave-vaisselle gratuite et 50% de réduction sur la taque à induction. Plus d'infos sur dovi.be. Nous créons votre cuisine. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Fan de foot et diablement gourmand, rendez-vous chez Point Chaud et devenez un vrai supporter. À l'achat d'un produit participant, recevez un billet à gratter et remportez les maillots officiels de l'équipe belge et vos accessoires pour soutenir nos diables. Ah, vous n'aimez pas le foot? Ah, personne n'est parfait, mais vous avez le droit d'être gourmand. Point Chaud, Point Chaud, tant qu'il y aura du goût. Mitsubishi. Attention, attention, offre last minute sur la Mitsubishi i6. Prime de reprise incluse, le SUV compact et dynamique est à 15 990 euros seulement. Mais en nombre limité. Alors, dépêchez-vous. Toutes les infos sur Mitsubishi.be. Ce dimanche chez Brico, tout sera à moins 15% et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin ? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi ? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça ? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Entrepreneur, avec BNP Paribas Fortis, gagnez votre pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Parce que dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster votre business. Oula, il y a du monde. C'est à qui ? Participez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Coucou, je suis une pile bouton et je me trouvais dans une montre, tic-tac. Moi, j'étais dans un appareil photo, clic-clac. Et maintenant, nous traînons au fond d'un tiroir. Oui. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bebat, car Bebat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bebat. Bebat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec Martial L'Avenir, Isabella, Jump. C'est en quelque sorte la suite d'hier, ce fameux plan climat à Bruxelles avec cette zone low emission zone, on l'appelle la LEZ un petit peu partout. Donc à partir de 2018, les voitures diesel très polluantes interdites. Avançons un peu dans le temps car l'agenda dans ce dossier est intéressant. À partir de 2020, interdiction des diesels d'avant 2006. Il y a toute une série de modèles qui vont disparaître. Est-ce qu'il faut, Isabella, se débarrasser de toute urgence de son diesel pour Bruxelles et pour ailleurs, d'ailleurs ? Enfin, oui, je pense. Oui, ah oui. Absolument, un vieux diesel pollue énormément. Beaucoup trop qu'une ville ne peut supporter. Donc il était temps de pouvoir rejoindre la Commission européenne qui nous a quand même mis en demeure, de pouvoir respecter nos engagements en matière de climat. On ne pourra le faire qu'en passant par là. Là, encore une fois, l'acte d'achat d'une voiture, c'est un acte de responsabilité qui a un impact sur la collectivité. Et donc oui, tout à fait, il était vraiment temps. Bon, parlons quand même deux secondes de ménage. Certains ont acheté une voiture, ont acheté un véhicule diesel et se retrouvent du coup depuis hier avec une voiture qui est persona non grata. Ça va être facile à gérer, ça, Martial ? Ah, ça va être compliqué à gérer, c'est certain. Maintenant, elles seront interdites, mais si je ne m'abuse, on pourra malgré tout encore les utiliser si moyennant une espèce de... En payant. De surtaxe ou en payant. C'est, bon, voilà. C'est, non, c'est pas le but. Mais hein. Je crois qu'elles sont interdites. Enfin, non, attendez, elles sont interdites. Elles sont interdites. Oui, oui. Elles sont complètement interdites. Oui, c'est okay. 10 000 voitures qui doivent disparaître de la circulation à Bruxelles en 2018. Bien, hein. Ouais. Moi, 2018, c'est les diesels d'avant 97 qui sont interdites et puis on avance dans le temps jusqu'à 2020, tous les diesels d'avant 2006 seront interdits. Alors moi je veux bien, mais encore une fois, ce genre de mesure qui peut être intéressante pour faire diminuer la pollution, ben, il faut que ce soit aussi accompagné d'autres mesures. De nouveau, on revient au même problème par rapport aux transports en commun, aux investissements dans les transports en commun. On voit ce qui se passe aujourd'hui, au niveau, ne fût-ce qu'au niveau de la SNCB, on réduit les investissements, on serre partout. Donc ça va trop vite, 2020 pour supprimer les diesels, ça va trop vite. Mais c'est pas que ça va trop vite, c'est qu'il faut faire, il faut accompagner. Je veux dire, si on diminue la possibilité de se mouvoir d'une manière, il faut augmenter les autres possibilités. Or, ça, on ne le fait pas. Et donc, c'est complètement absurde. La deuxième chose qui est absurde, c'est qu'on ne fait ça qu'à Bruxelles. Enfin, je veux dire, ça me fait un peu penser au nuage de Tchernobyl avec la France qui avait dit non, le nuage s'est arrêté à nos frontières. Ah. Si on ne fait ça qu'à Bruxelles, ça n'a aucun sens. Il paraît que la Wallonie réfléchit, mais on n'y est pas encore. C'est pour Bruxelles pour l'instant. Vierde est en ligne. Pierre-Yves, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez quoi comme véhicule diesel ? Ah ben, j'ai un 4x4 Nissan Patrol, donc bien polluant. Et alors... De quelle année ? Il va sur ses 12 ans. Alors, je vous donne les dates. Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. À partir de 2018, c'est ceux d'avant 97 qui sont déjà persona non grata interdits. Est-ce qu'on doit se débarrasser absolument de votre 4x4, Pierre-Yves ? Mais absolument pas, parce que je vous explique pourquoi. J'ai un deuxième 4x4 qui est très récent, c'est un VW à Maroc, qui est en panne dans la prairie à côté de la maison depuis 2 mois, à cause justement des normes anti-pollution. Mais donc ça prouve bien qu'il faut se débarrasser au plus vite de ce genre de véhicule. Donnez-moi un conseil. Vous conseilleriez à un voisin d'encore acheter une diesel ? moi, je ne vois pas franchement où est le problème. Ah ben, vous pourrez plus rouler dans Bruxelles. Vous pourrez plus rouler dans Bruxelles, Pierre-Yves. Ben, que ce soit dans Bruxelles ou autre part. Hein, où est-ce qu'il vit? Où est-ce que vous vivez, monsieur? Moi, ici, écoute, Pierre-Yves est à Vierde. En Wallonie. Vous allez à Bruxelles de temps en temps? Oui, je suis. Oui, je vous entends. Je suis à Vierde, Namur. Maintenant, je vais vous expliquer. Ma voiture qui était en panne, on me dit qu'il faut que je roule beaucoup plus avec. Alors, il faut m'expliquer si je roule moins avec mon gros diesel polluant, il n'y aura pas de problème. Ah ben vous pourrez rouler, mais pas à Bruxelles, vous serez interdit, Pierre-Yves. C'est pour ça que je vous demande s'il faut liquider la voiture. Ça va susciter quoi, je termine rapidement autour de la table, messieurs, dames, ça va susciter quoi sur le marché de l'occasion, puisqu'on ne peut plus aller revendre sa diesel sur le marché de l'occasion, elle ne trouvera plus acheteur chez nous. Ça va générer quoi? Tant mieux. Du coup, on va probablement l'exporter dans des régions moins densément populées, ce qui n'est pas plus mal. La seule chose que je regrette par rapport à la décision du gouvernement bruxellois, c'est qu'encore une fois, ce sont les Bruxellois qui vont payer, puisqu'on a refusé la vignette, qui là aurait dû être payée par toute personne qui vient dans Bruxelles. Mmh. Ici, il faudra que ce soit les Bruxellois qui payent les caméras, plus toute l'installation et la vigilance, donc l'agence de sécurité, pour effectivement faire respecter ces conditions. Et ça, je trouve que c'est un petit peu injuste. Rapidement, Martial, Isabella est contente qu'on envoie tous les diesels en Afrique. C'est la bonne solution, du coup? Ça, c'est un petit peu du NIMBY, que ces voitures partent dans des endroits où il y aura moins de population. Je ne suis pas du tout sûr quand on retrouvera des vieux 4x4 comme ça, ou des vieux diesels en plein Marrakech pour aller polluer là-bas. Je ne vois pas tellement où est l'intérêt. C'est ce que je disais avec Tchernobyl tout à l'heure. D'autres régions, ce n'est pas nécessairement l'Afrique non plus. Ça peut être dans les forêts d'Ardennes. Mais j'ai tenté, vous avez relevé. On sait quand même souvent que ce genre de véhicules qui sont vieux partent à l'exportation vers l'Afrique. Ça, c'est un fait. Isabelle Alénard-Douzzi, Martial Dumont. Bonne journée, messieurs, dames. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? Ensuite, cette fois, ça y est, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers. Qui croit que ça va faire baisser les prix? Et puis, à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. 070-233-466 par SMS au 3063. On appelle ou paye. Nunzia, bonjour. Oui, bonjour Marcel. Qui est le premier Italien de la famille à avoir posé le pied sur le sol belge chez vous? Mon papa. Comment il s'appelait? Il s'appelait Calogero. Qu'est-ce qu'il venait faire ici, Calogero? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Il m'a raconté que, en Sicile, il n'y avait pas grand-chose comme travail. Après la guerre, c'était le désastre. Il arrive en quelle année, Calogero? Comment? Il arrive en quelle année, votre papa, Calogero? En 51. C'est-à-dire un peu après les autres, on est les gros départs 46, il arrive en 51. Oui, qu'en 46, son beau-frère était ici, donc le frère à ma maman, et il est venu, donc c'est lui qui l'a appelé, on va dire, parce que c'était une chaîne qu'appelait la famille. Donc mon oncle, le frère à ma maman, est venu en 46, et lui, il a fait venir son beau-frère. Mais votre oncle, vous savez ce qu'il dit? Il dit, viens en Belgique, c'est bien, on est bien, le travail est chouette. Il dit de venir pour quelle raison? Pour la raison que ici l'argent était sûr. Et en Sicile, pas? Non, parce que là, il travaillait dans les champs, c'était à la journée. Il devait chercher après des gens qui avaient des champs à cultiver, mais à la main. Il n'y avait pas de machine, c'était à la main. Vous savez si votre papa hésite beaucoup avant de venir? Non, parce qu'il savait bien qu'ici, il y avait du travail, quoi. Il a aimé les mines, votre papa? C'est-à-dire qu'ici est fait, au travail. Ici est fait. Il y a travaillé pendant combien de temps? Comment? Il y a travaillé pendant combien de temps dans les charbonnages? Pendant 20 ans. Dans lequel? Dans la grotte Bacmur, à la Préal à Herstal. 20 ans de mine à Herstal. Et le souvenir de Calogero, le premier de la famille chez vous, Nzia qui arrive. RTBF Mobile Info maintenant, Marjorie. Oui, avec toujours des difficultés sur la Nationale 4 entre évidemment Tenneville et Marchand-Famenne dans les deux sens de circulation. Nous avons une voie qui est maintenant accessible au trafic, hein, mais la sortie Arsin reste toujours fermée en direction de Marche. Le nettoyage de la chaussée est en cours et la circulation se passe évidemment au ralenti. Restez prudents. Par contre, une chaussée fermée en province du Luxembourg, c'est toujours la Nationale 849. Des voitures étant coincées, la chaussée est fermée sur 7 km dans les deux sens. Entre Forrières et Fourneau-Saint-Michel, des déviations sont mises en place. Concernant la province de Liège, toujours une demi-heure environ perdue sur le 42 Prume vers Bâtisse à partir de Spa, plus ou moins même un peu avant, donc suite entre autres aux travaux et à des difficultés trafic vers Bâtisse. Ralentissement aussi sur le 25 visé Liège. Donc pour rejoindre Liège centre, vous perdez quelques minutes si vous venez de viser. Et puis alors du côté maintenant de Charleroi sur la 54, on aperçoit des ralentissements entre Lutre et Gosselies, dans lesquels vous perdez 10 à 15 minutes vers Charleroi. Concernant le ring de Bruxelles, patience encore à hauteur de Waterloo vers Zaventem, à hauteur de Wemel dans les deux sens, entre le parking de Halle et Bercel vers Grand Bigard. Et pour atteindre la capitale, il reste une circulation un peu ralentie à partir d'Overeil sur le 411 qui vient de Namur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous irons à Jette. Patrick nous attend et nous dira s'il faut absolument se débarrasser de tous les diesels avant qu'ils ne puissent plus rouler. En télé sur la Une, à New York, quand le crime frappe à la porte, Laura Diamond mène l'enquête. Laura a une théorie. Bien entendu. Bon, sur ce, vous êtes en état d'arrestation. Ouais, qu'est-ce que je suis forte. Les mystères de Laura, saison 2, inédite, dès ce samedi soir sur la Une. Moustique. Cette semaine avec Moustique, faites du bruit pour nos diables. À ne pas manquer, dossier spécial Euro 2016. Un poster de notre équipe nationale et en exclusivité, l'indispensable Diabolica Moustique pour 4,40€ seulement. Moustique, l'hebdo qui... Tous les Belges seront derrière les diables et les plus malins sont déjà chez Intermarché. Vous aussi profitez de nos offres offensives comme les concombres en 2 plus 1 gratis. Et vous avez encore 2 semaines pour remporter votre kit supporter gratuit. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269€ par mois, taxes, assurances et entretiens compris, et sans apport. Découvrez le vide dans tout le réseau Peugeot. Offre de location full service soumise à conditions réservées aux particuliers. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du film. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, cette fois, ça y est, la Wallonie a sa grille indicative des loyers. Qui croit que ça va faire baisser les prix à ce propos? Et à ce propos, Philippe de Fouron trouve cette grille très intéressante et il pense même qu'elle pourrait aider à faire baisser les prix, même si elle n'est qu'indicative, explique Philippe. Elle donne de véritables atouts aux locataires pour estimer leur loyer et vérifier si le propriétaire n'a pas exagéré sur le montant. D'ailleurs, Philippe le dit, dès que la grille sortira commune par commune, il se rendra chez sa fille à Bruxelles, à XL plus précisément, pour l'aider à évaluer son loyer. S'il s'avère que son loyer est trop élevé, Philippe va préparer une petite lettre à l'attention du propriétaire de sa fille, reprenant point par point la grille indicative en espérant que celle-ci accepte de baisser un peu le loyer de sa fille. Il convient faire pression via cette grille. C'est vous qui le dites, Étagette. Patrick, bonjour. Bonjour. Et à cause du plan climat de Bruxelles, la question est la suivante. Faut-il se débarrasser de toute urgence de son diesel? Parenthèse, de quelle année date le diesel que vous avez à la maison? De 1933. Ah bah alors c'est d'avant 97, dès 2018, c'est quoi? Cette voiture pourra plus rouler dans la capitale? Oui, absolument. C'est quoi? Absolument. Je peux comprendre qu'il y a des normes de pollution qu'on introduit à Bruxelles. C'est quoi comme voiture, Patrick, celle de 93? C'est une Volvo. Vous allez la mettre à la poubelle? Je pense pas. Pas une tache de rouille, techniquement en ordre. Je passe depuis des années au contrôle technique, donc je n'ai aucun problème. J'ai toujours une carte verte. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut arriver à des choses pareilles. Oui, mais en 2018, votre voiture, elle sera juste là pour la déco dans la rue ou dans le garage. Vous ne pourrez plus l'utiliser. J'espère quand même que j'arriverai toujours jusqu'à mon domicile. Donc, les caméras, le système de caméras dans la ville surveille, traquera, ouais. Et vous serez à l'amende. Hein. Je ne sais pas. Je vais voir. Il y a tellement de choses qui changent en Belgique. La preuve en est, c'est que j'aurai encore du temps devant moi. Ça m'obligera d'acheter peut-être une nouvelle voiture. C'est bien dommage. Elle partira, à mon avis, à la casse. Ou vers les pays en... où les gens ne seront pas capables de s'acheter des nouvelles technicités. Bon, bah alors conseillez ceux et celles qui écoutent ce matin. Est-ce qu'on a intérêt à se débarrasser rapidos de sa diesel? Ça, je ne vais pas faire. Ça, il n'en est pas question. Oui, mais ne m'en voulez pas de radoter, mais vous ne pourrez pas rouler avec, vous ne pourrez plus rouler avec. Oui, mais je verrai, parce que ça évolue tellement différemment dans le temps. C'est que je pense que les choses pourront peut-être arranger. Vous pensez qu'ils feront marche arrière? Vu l'enthousiasme des autorités à Bruxelles hier, il n'y aura pas de marche arrière. On en reparle. Ok, c'est un pari sur l'avenir. À la question « faut-il s'en débarrasser ?», vous m'avez dit « j'attends de voir, peut-être qu'ils feront marche arrière. » Avec un diesel de 93, vous êtes interdit dès 2018 sur la route. Et puis bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. Pensez à votre date d'immatriculation pour entrer dans la conversation. Mont-sur-Marchienne maintenant nous appelle. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Ça y est, elle est là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers. Vous qui êtes propriétaire d'un appartement 50 mètres carrés, pour l'instant, vous le louez à combien? 400 euros par mois, plus charge. Bon, à votre avis, cette grille indicative, ça va faire baisser les prix ou pas? Non. Ça va servir à quoi? Bon, ça va servir à peut-être aider certains locataires, ça c'est certainement vrai. Parce que bon, il est clair que beaucoup de propriétaires ont tendance peut-être à mettre leur loyer un peu trop élevé. Mais de toute façon, comme il y a quand même beaucoup plus de demandes pour des logements corrects, je dis bien corrects parce qu'il y a tellement de logements non corrects, que de toute façon, si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Hein. L'appartement que vous avez, il est dans quelle commune? Il est à l'Overval. Donc, on ira regarder la situation géographique. On ira regarder l'année de construction du bâtiment, les châssis, ouais. L'énergie, le toit, le plancher, tout est analysé. Qu'est-ce qui se passera si la grille indicative pour un appartement comme celui-là dit 380 euros? Qu'est-ce qui se passera? Ben, ça ne changera rien à ma façon de faire, parce que de toute façon, je pars du principe que le propriétaire est quand même... c'est à lui. S'il a envie de faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il n'y a jamais d'obligation au niveau du locataire. Si le locataire, ça ne lui convient pas, il ne vient pas. Oui, mais alors, vous n'aurez plus accès aux primes de réhabilitation et de rénovation. Hein. Mais je serais curieux de savoir le nombre de propriétaires qui peuvent avoir droit à la prime de rénovation, puisque vous me parliez de 93 000 euros de brut, je ne sais plus, enfin, au niveau des primes, croyez-moi que moi, il y a longtemps que je les ai pas. Donc je pense que la majorité des proprios ne les auront pas. Hein. Ah, donc dire, proprio, si tu t'alignes pas sur la grille, t'as plus de primes, ça vous menace pas? Ben moi, ça me menace absolument pas, puisque je gagne trop bien ma vie pour avoir les primes. Donc, Mais donc vous riez de la grille indicative des loyers? Mais je n'en ris pas parce que, comme je dis, ça peut inciter certains propriétaires à peut-être voir leur façon de faire. Mais les gens qui sont corrects, qui louent des biens en bon état, parce que bon, moi je loue un appart de 50 mètres carrés, je sais que au niveau du loyer, je sais que je suis en dessous de ce que je pourrais demander. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où vous louez un bien à quelqu'un, il vaut parfois mieux peut-être le louer un tout petit peu moins cher et avoir un locataire qui est capable de payer son loyer tous les mois, d'être plus ou moins à l'aise et vous, ben, votre bien reste en bon état et tout. Et je pense que tout le monde est gagnant. Maintenant, bon, tout le monde ne pense pas comme ça, évidemment. Vous êtes en tout cas sur la même longueur d'onde que Christelle Ahat, qui était une propriétaire de tout à l'heure, et qui nous disait aussi, moi, les primes, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, je ne sais rien en faire. Thierry Mont-sur-Marchienne, cette grille indicative ne vous affole pas. Nous irons dans un instant dans l'entre-sambre et Meuse, c'est là que nous attend Andrea. Quel est le premier Italien de la famille chez elle qui a posé les pieds dans ce pays ? Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bellisol.be. Bellisol. Et si vous aviez un webshop, comme celui que Catherine du Boudoir de Jeanne à Liège est en train de tester gratuitement pour l'instant? Oui, le Boudoir de Jeanne est une parfumerie différente située en Outre-Meuse à Liège. Parfums, maquillage, produits de soins pour femmes et pour hommes, elle connaît déjà un grand succès. Mais si vous n'avez pas la chance de venir nous voir dans notre belle cité ardente, vous trouverez désormais aussi le Boudoir de Jeanne sur Internet. Intéressé? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On s'assied à table et on prend le bocal de cornichons. On met les doigts sur le couvercle. On serre bien fort, on tourne à gauche. Il faut qu'il lâche. Bien. Maintenant, les petits oignons. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Exclusivité RTBF. Dans deux semaines, nos diables seront à l'euro. Enflammez le supporter qui est en vous. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. 70 ans d'immigration italienne. Vivacité se colore en vert, blanc et rouge. Tous les jours, gagnez votre restaurant italien dans le 5 à 7 avec Cyril. Samedi, émission spéciale en cuisine italienne. Envoyez vos meilleures recettes de pâtes sur vivacité.be. Une authentique cafetière espresso italienne à gagner. Et dimanche, dès 10h30, ces années-là, spéciale Italie. Toute l'Italie est sur Vivacité. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. À ce propos. Et à ce propos, Fanny de Dandrin, un diesel qui date de 2002 et elle n'a pas les moyens d'investir dans une voiture neuve. Alors la seule chose dans laquelle Fanny peut investir d'ici 2018, c'est dans un filtre à particules. Fanny s'est déjà renseignée au garage et on lui a dit qu'avec ça, eh bien, sa voiture serait aussi peu polluante qu'un diesel neuf. Alors Fanny se demande pourquoi, à la place d'interdire certains véhicules, le gouvernement n'oblige pas tous les propriétaires de diesel à placer un filtre à particules sur leur véhicule. Comme ça, eh bien, il y aurait moins de pollution. Nous sommes à Stave. Andrea, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme de 49 ans. Racontez-moi l'histoire familiale. Quel est le premier Italien chez vous qui arrive sur le sol belge? Mais c'est papa qui est arrivé en 1950 avec les conseils de tous ses amis du village qui est arrivé quelques mois avant en lui disant « Viens, viens, ici, c'est bien. Viens, viens, ici, c'est bien. Viens il, voir. » Il est reparti en Italie ou il est resté? Non, il voulait repartir après quelques années. Malheureusement, il est reparti, mais après une très longue maladie ici en Belgique due à la mine. Problème de mine. Mais donc, ne m'en voulez pas de raviver ces souvenirs-là, mais votre père est mort sur le sol italien ou sur le sol belge? Il est mort sur le sol belge, mais dû à problème de la mine, bien entendu, la maladie de la mine. Alors, c'était une bonne idée de venir ou dans le fond, c'est une page sombre? Je pense que c'est les deux. Il y a eu un passage sombre, mais il y a eu un passage très lumineux, car grâce à ce travail, il a pu élever toute une famille ici, et dont quand même 10 enfants. 10 enfants grâce à la mine. Je pense que la mine a apporté beaucoup. Je pense que 10 enfants en Italie, il n'aurait pas pu. Andrea, donnez-moi le titre de votre fille, parce que alors je passe un peu l'histoire familiale. Votre fille aujourd'hui, ouais. C'est qui ? Ma fille est aujourd'hui Miss Italia Belgio 2016, depuis une grosse semaine. Et elle représente bien entendu l'Italie, dont hier nous étions au Bois du Casier pour commémorer la tragédie qu'il y avait eu, bien entendu, il y a 60 ans. Oui, toutes 56, 262 morts au Bois du Casier. C'est ce qui met fin à l'exode, si on peut l'appeler comme ça, massif des Italiens. Merci Andrea. Nous allons très rapidement à Beaumont. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Tranché, puis on ira peut-être plus loin tout à l'heure. Ça y est, on a la grille indicative des loyers en Wallonie. Ça va faire baisser les prix ou pas ? Pas du tout. Ça va simplement fournir une base de données tout à fait concrète pour pouvoir revoir tous les revenus cadastraux des différents bâtiments. Attendez, vous me dites que c'est un piège ? Tout à fait, puisque bon, on est déjà passé par les certificats PEB pour tout ce qui était vente de différents immeubles à ce niveau-là. Et ici, ben maintenant, on s'attaque aux locations. Et comme ça, ben, je vais dire, la base de données sera tout à fait concrète. Ah ben, si on va plus loin, Pierre, c'est promis, je remettrai ça en conversation. Voilà un piège à cadastre. À tout à l'heure après les infos. Il découvre RTBF Ovio. Il me propose automatiquement des choses qui me plairaient. Oh, on peut rien rater, c'est génial. Oh, je vois qu'il y a un bouton en direct. Je peux les regarder maintenant, là, tout de suite. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies. Prolongez l'été avec MSC Croisières. Réservez dès maintenant votre croisière d'automne pour vivre l'été indien en Méditerranée. À partir de 399€ par personne. Conditions en agence ou sur msccroisières.be. Ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière MSC. Hey, vous êtes au volant ? Regardez un peu votre compteur. Il est à combien ? Et depuis quand roulez-vous avec cette voiture ? Vous savez donc combien de kilomètres vous faites par an ? Moins de 15 000. Alors, vous pouvez économiser jusqu'à 50% avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. En plus, en ce moment, vous recevez jusqu'à 6 mois gratuits d'assurance responsabilité civile. Corona Direct, c'est comme ça que je veux être assuré. Calculez votre bénéfice sur coronadirect.be. Direct. Hey Chuck, hein? Vous les Angry Birds, vous êtes parfois contents ? Non. Même s'il y a une prime de reprise exceptionnelle sur la Citroën C3 à 5 portes avec son immense pare-brise Zénith. Ouais ! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Vous écoutez Viva, il est 10h. Bonjour Lionel de Neubourg. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Un homme de 60 ans porté disparu dans l'entité de Arcin à Nassogne. Hier soir, il aurait été surpris par les inondations. La police et la protection civile ont repris leurs recherches. Hier soir, c'est toute la région de Nassogne, de Marche et de Rochefort qui ont été balayées par les crues. La Nationale 4 fermée depuis hier soir est à nouveau accessible maintenant partiellement puisque le nettoyage des coulées de boue est toujours en cours. En France, Paris s'attend au pic de crue aujourd'hui jusqu'à 6 mètres de haut sur la Seine. Dans certains musées, il faut déplacer les collections. C'est le cas au Louvre qui ferme ses portes aujourd'hui. Une réunion doit commencer en ce moment à la SNCB entre les syndicats et la direction. Le journal L'Écho annonce ce matin que la CGSP est parvenue à un accord hier soir en interne, un accord pour une reprise du travail. Jusqu'à présent, le syndicat socialiste ne fait aucun commentaire, mais un membre de la CSC confirme qu'on s'oriente vers un redémarrage progressif de la SNCB. Écoutez, juste avant la réunion, Xavier Martin du syndicat chrétien. Donc effectivement, il y a eu des assemblées générales qui se sont organisées et c'est ce qui est ressorti, c'est que les agents attendent beaucoup de la négociation d'aujourd'hui, mais qu'en cas de blocage des négociations, ils préfèrent que ce soit fait dans les règles, dans les formes, avec un dépôt de préavis pour une action qui se déroulerait alors ultérieurement. Voilà pour le commentaire recueilli il y a quelques minutes par Baptiste Tupin. En pratique, pour le moment, sur les grands axes en Wallonie, ça roule. Un train sur deux ou un train sur trois. Par contre, le point noir, ça reste Tournai. Oubliez les Mons-Bruxelles ou les Tournai, la capitale. La Grèce tente de secourir en ce moment un bateau naufragé au large de la Crète. Long de 25 mètres, il est à moitié coulé. Des centaines de personnes, de migrants, pourraient se trouver à bord. Certaines se trouvent à l'eau. La Grèce a dépêché dans la zone deux bateaux, un hélicoptère et un avion. Un programme de feu aujourd'hui à Roland-Garros. Quatre demi-finales programmées sur les courts de la terre battue. La faute à la pluie qui a bousculé l'agenda ces derniers jours. Chez les dames, Serena Williams affrontera la néerlandaise Kiki Bertens. L'espagnol Muguruza rencontre l'australienne Samantha Stosur. Et puis chez les hommes, Stan Wawrinka joue contre Andy Murray et Novak Djokovic contre Dominic Thiem, le bourreau du Belge David Goffin. La météo, après les orages d'hier soir, a un peu d'accalmie ce matin. On attend même le retour de quelques éclaircies par l'est. Et l'après-midi, mauvaise nouvelle, le retour des orages sont attendus. On le disait, les températures de 14 degrés en bord de mer jusqu'à 19 degrés. Le point RTBF Mobile Info, c'est avec Marjorie Bilot. Oui, et on roule toujours sur une seule voie sur la Nationale 4, Namur vers Arlon dans les deux sens, entre Tenneville et Marchand-Famenne. Donc le nettoyage de la chaussée est toujours en tout en cours. Donc évidemment, restez prudents si vous traversez cette Nationale 4, surtout entre Tenneville et Marchand-Famenne dans les deux sens. Et on rappelle que la sortie Arcin vers Marche reste fermée. Chaussée fermée aussi sur la N849 sur 7 km entre Forrières et Fourneau-Saint-Michel dans les deux sens. Des déviations locales sont mises en place. Du côté de la province de Liège, on perd encore une bonne demi-heure sur 10 km suite aux travaux sur le 42 entre Sarlespa et Polleur vers Bâtisse, donc vers le 40. Ensuite, du côté de Charleroi, autres travaux sur la 54, Nivelles vers Charleroi entre Pontacel et Timéon, et qui provoque 4 km de circulation ralentie vers Charleroi. Vous perdez une dizaine de minutes. Sur le ring de Bruxelles, la circulation est pratiquement fluide. Encore un peu de patience à hauteur de Wemel dans les deux sens et puis à hauteur de Waterloo ainsi qu'à hauteur d'Overhays pour rejoindre Bruxelles via le 411. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Marjorie et on reprend le débat dans C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. C'est la deuxième partie, dernier jour de la semaine. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Une ASBL qui s'appelle Croissance est accusée par la dernière heure de faire du prêche anti-avortement dans les écoles quand elle est appelée pour donner des cours d'éducation à la vie relationnelle et affective. Question qui dérange, est-ce que c'est vrai? Sur l'année 2014-2015, on apprend donc que ce groupe Croissance a réalisé plus de 150 animations dans une vingtaine d'écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 3000 élèves de 5e et 6e primaire auraient donc été confrontés au message, parfois subliminal, parfois pas, au message pro-vie et donc anti-avortement de cette association qui serait teintée de chrétienté. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un cours d'éducation à la vie affective dévié par un message très fort et militant? C'est la question qui dérange ce matin et vous cherchez Sophie Buzinaro dans ce dossier, le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? En effet, nous allons tenter de joindre l'association en question, donc le groupe Croissance, afin que la directrice Christine Oya démente ou non cette information. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une thèse quand on donne des cours de vie affective à l'école ou vos enfants ont peut-être déjà croisé ce groupe? Laissez pour orienter la conversation votre commentaire à Marion Standard. Emmanuel de Beuzet est choqué que ce type de discours soit donné en toute liberté dans les écoles. C'est pour cette raison qu'elle se pose cette question. Benjamin, Emmanuel voudrait savoir si la Fédération Wallonie-Bruxelles, via son décret, fait des recommandations sur le choix des intervenants ou si les écoles sont libres de choisir seules. C'est la question qu'Emmanuel se demande et voudrait vous entendre dire à 10h45, Benjamin. Une ASBL Croissance accusée par la dernière heure de faire du prêche anti-avortement dans les écoles. Est-ce que c'est vrai? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique, dans votre famille. Qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? Cette fois, ça y est, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers, type de bâtiment, nombre de chambres, énergie, situation géographique. Qui croit que ça va faire baisser les prix? Et puis à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. trois débats. Marion 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur les 70 ans de l'immigration italienne. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Ah oui, les Italiens ont été très forts visiblement ce matin, puisque ce sont vos appels qui déterminent la conversation de cette deuxième partie. Et en masse, donc, vous avez choisi le moment de l'hommage. Le 23 juin 1946, la Belgique, qui a besoin d'hommes pour ses mines, signe un accord avec l'Italie. Ça fait donc 70 ans. Avec un peu d'avance, tout au long du week-end, les Italiens de Belgique replongent dans leurs racines. Vous savez qu'en 1946, ce plan prévoit l'envoi de 50 000 hommes en échange du charbon pour l'Italie. La demande est très très forte, puisqu'entre 1946 et 48, 85 convois, 75 000 hommes vont arriver ici. Les Italiens qui veulent la mine doivent avoir 35 ans maximum, passer une visite médicale. On leur propose un contrat de 12 mois, avec un logement parfois précaire, de la nourriture, des avantages sociaux, et ce flux incessant qui cessera en 1956, le 8 août, c'est la catastrophe du bois du Casier, 262 morts. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il s'appelait Calogero. Il arrive en quelle année, votre papa Calogero? En 51. C'est-à-dire un peu après les autres, hein, on est les gros départs 46, il arrive en 51. Oui, qu'en 46, son beau-frère était ici et il est venu, donc c'est lui qui l'a appelé, on va dire, parce que c'était une chaîne qu'appelait la famille. Mais votre oncle, vous savez ce qu'il dit? Il dit, viens en Belgique, c'est bien, on est bien, le travail est chouette. Il dit de venir pour quelle raison? Pour la raison que ici l'argent était sûr. La question est toute simple, dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? Les Italiens ont la parole, évidemment. Et puis, si vous êtes d'une autre origine qu'italienne, venez dire comment vous jugez 70 ans après cet accord. À l'échange, à l'époque, on a dit des hommes contre du charbon. Est-ce que vous regardez cet accord avec tendresse ou vous le regardez avec sévérité? Car certains, effectivement, sont morts dans les mines de la fameuse maladie des mineurs. En attendant, pour les Italiens, commençons par ça. Le premier de votre famille, c'est qui? 070-233-466, SMS au 3063. Et à Saint-Nicolas, dans un instant, Tordi viendra nous dire qui est le premier de la famille arrivé en Belgique en 1960. C'est vous qui le dites. Hé, il y a 100 000 euros à gagner au concours foot de Krefel. On y va, les gars? Ouais, tous ensemble, ouais. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Ce dimanche chez Brico, tout sera à moins 15% et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Vous savez ce que la Seat Leon ST Break offre de mieux? Des jantes 17 pouces qui vont faire baver mes collègues de jalousie. Presque. Son pack connectivity pour aller sur mon Facebook. Pas mal. Son incroyable coffre pour encore plus de shopping. Exact. Mais elle offre aussi 5300 euros d'avantage. Waouh! Profitez maintenant de 5300 euros d'avantage sur la Seat Leon ST Break avec phare full LED et système de navigation. Prime de recyclage comprise sous condition. Seat. Le sparadrap, le complexe vitaminé, la crème solaire, le lait en poudre, les huiles essentielles, la brosse à dents, le ticket de caisse. Heureusement maintenant, il y a Medimarket. Plus de 8000 produits de soins au prix les plus bas. Le portefeuille... Et aujourd'hui, offrez à votre peau la meilleure protection pour l'été. 30 à 50% de réduction sur tous nos produits solaires. Info sur medimarket.be. Medimarket, prenez soin de vous. Vous voulez faire de bonnes affaires? Alors j'ai un bon plan pour vous, mais rien que pour vous, hein. C'est la braderie au shopping qui aura recours, mais chut! Eh oui, de mercredi à samedi, Braderie a vous coupé le souffle dans l'hyper et toutes les boutiques du Shopping Cora recours. Alors surtout, ne le répétez à personne et faites un max de bonnes affaires. Shopping Cora, toutes vos envies bradées dans un lieu unique. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Ah, ne parlez pas de météo, hein. J'ai chopé un sérum. Besoin d'un bon coup de booster pour le moral? Du 1er au 4 juin, profitez des jours soleil à Belle-Île. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. 4 jours de prix éblouissants à ne pas manquer. Belle-Île en Liège. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Les Italiens ont fait un choix ce matin à l'occasion des 70 ans de l'immigration italienne qui est fêtée ce week-end, même si la date officielle de l'accord avec l'Italie, c'est le 23 juin 1946. Les Italiens ont donc fait un choix ce matin en nous proposant cette conversation sur le premier, car il y a toujours un premier. Quel est le premier de votre famille qui a posé le pied sur le sol belge? Qu'est-il venu faire? Et quel regret éventuel ou quel success story éventuel? L'accord initial dit « Je prends tes hommes et en échange je te donne du charbon ». 070-233-466 par SMS au 3063. L'occasion également de voir dans quelles conditions les Italiens sont arrivés à l'époque. On leur avait promis des logements. C'était du baraquement parfois. Saint-Nicolas, Tordi est en ligne. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Le gros de la vague, disons que c'est 46-48. Le premier qui arrive chez vous, c'est qui et en quelle année? C'est mon papa en 1960. Si tard, pourquoi? Ben, c'est-à-dire que c'est son beau-frère qui est d'abord qui a travaillé ici, à Saint-Nicolas. Et alors, puis on lui a écrit des lettres. Et mon papa est revenu parce qu'il avait besoin de travail, parce qu'il avait deux enfants. Pourquoi votre papa, vous savez ça? Pourquoi il n'est pas parti dès le début, puisqu'une partie de la famille apparemment était déjà arrivée? Pourquoi votre papa, parce il attend? Parce qu'il hésitait. Il hésitait et son papa, mon grand-père, ne voulait pas qu'il parte en Belgique. Quand il arrive, votre papa, alors quand il arrive, il s'installe où? Ben, il s'installe, c'est mon oncle qui l'a pris pour quelques mois. Et alors, il a commencé directement à travailler au charbonnage La Bonne Fortune en 60 et nous, on est venus en 62. Vous l'avez rejoint, quand vous le rejoignez, vous avez quel âge, vous? 2 ans. Qu'est-ce qu'il disait votre papa, donc, quand vous avez grandi, qu'est-ce qu'il disait votre papa de la mine? Il racontait ça ou il taisait ça? Oh là là, j'étais trop petite. Ben, moi, je me rappelle de mon papa qu'il avait des yeux toujours noirs. On aurait cru qu'il était maquillé. Comment vous expliquer? On habitait dans une petite pièce, franchement... 4 personnes, c'était... Est-ce que le début de votre papa ici, ce sont des conditions de misère? J'utilise volontairement oui, le mot. C'était vraiment la misère, oui. Ah, donc c'est pas l'Eldorado, c'est la misère. C'était vraiment la misère, parce qu'il y avait mon papa qui travaillait. Et puis on a loué une maison, qu'on louait les maisons de charbonnage. Et pour se chauffer, bon, ils avaient des bons de charbon. Ils avaient... Et on se chauffait au charbon. C'était déjà quelque chose que mon papa ne payait pas de chauffage. Vous pouvez, Tordi, nous expliquer un truc, parce qu'on parle beaucoup des conditions d'immigration et de l'immigration aujourd'hui. C'est oui. Étrange de quitter un pays qui est le sien pour venir vivre dans la misère. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que mon papa était sûr qu'il avait son argent quand il travaillait, que là-bas, bon, mon papa, il vendait des fruits sur la route. Il n'avait pas de travail. Déjà, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Il était alphabète. Et la misère voilà, était plus grande en Italie. Il était sûr d'avoir un travail. Et bon, et sa semaine, parce qu'avant, il était payé par semaine. Il était payé. Et il venait de quelle région en Italie, votre papa? Agrigento, la Sicile. De Sicile. Tordi, vous êtes à Saint-Nicolas ce matin. Et un parcours, celui d'un vendeur de fruits qui quitte la Sicile pour venir dans les charbonnages, vivre dans des conditions de misère. Allons à Herstal. Marisa, bonjour. Bonjour, Benjamin. C'était votre papa aussi? Oui, c'était mon papa, oui. Donc, en quelle année? Il est arrivé en 53, mais il avait déjà fait 2 demandes en 52. Comme vous l'avez très bien dit, à Milan, il y avait des examens très rigoureux. Et il a été remballé 2 fois au Calabre pour des problèmes de santé, parce qu'on voulait des hommes forts. Et c'était triste à dire. Il racontait toujours que les examinateurs les examinaient comme... Des animaux. Excusez-moi, émotions. Exactement, oui. On examinait les dents, on examinait les pieds, parce qu'il fallait des hommes forts pour descendre à la maison. C'était humiliant, voilà. Cet examen médical, il était humiliant? Je pense que oui. Papa, quand il en parlait, il disait, voilà, on était du bétail. Quand votre père arrive, il a quel âge? Oh, il est très jeune, parce qu'il s'est marié très jeune. Il avait 22 ans. Donc il est dans les conditions, il fallait 35 ans maximum. Dans le fond, il arrive après, on reparle d'Herstal. Mais qu'est-ce que vous savez de sa vie en Italie? Est-ce qu'il vous a raconté ça? Oui, il vivait en Calabre et lui aussi, c'était un petit peu à la journée. Hein. C'était à la récolte des agrumes, donc les oranges, les citrons, voilà. Quand il arrive ici, il loge dans quoi ? Quel est le logement que la Belgique lui propose ? Donc c'était à Cherat, qui travaillait au charbonnage Lazare à Cherat. C'était de la cité de Cherat, mais au départ, c'était des baraquements. Je suppose que c'était les baraquements des prisonniers... de la guerre, voilà. Vous avez vu, vous, ces baraquements où vous étiez trop petite, il n'y a pas de souvenir ? J'étais trop petite, non. Je les vois de loin, mais parce que quand la famille arrivait, alors on leur donnait quand même un logement. Mais il faut dire que c'était les maisons de la cité, et ces maisons étaient faites pour une seule famille, et à l'époque, on logeait deux familles dans ces maisons. Donc au rez-de-chaussée, nous avions deux pièces, plus une toute petite arrière-cuisine, et nous étions déjà quatre, donc mes parents, mon frère et moi. Et papa... à l'étage, il y avait une autre famille, et le WC était à l'étage, donc pas de salle de bain, il y avait juste un WC. Combien de temps au charbonnage pour votre papa ? Mon papa a travaillé 20 ans au charbonnage. Il a fait autre chose après, ou ça a été l'essentiel de sa carrière professionnelle ? Mais écoutez, suite à la fermeture des charbonnages, il a pu faire une formation que la plupart des mineurs acceptaient de faire à l'époque. Mmh. Et il est entré à Chertal, alors. Et là, il a dû faire les pauses à Chertal. La nuit, le 2-10, et c'était très pénible parce qu'entre-temps, 5 autres enfants étaient nés. Et voilà. Maritza, votre papa. Il y a ma maman qui était toujours en train de nous dire « Taisez-vous, papa dort ». Voilà, c'était pas facile. Votre papa, il a eu une belle vie ? Ici. Oh, écoutez, il a eu la joie d'avoir 7 enfants, mais son seul plaisir, ça a été de pouvoir s'acheter une voiture dans les années 70. Ah, voilà, c'est un moment, l'achat d'une voiture à l'époque, comme l'achat d'une télévision, comme l'achat d'un transistor, sont des moments rares qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Maritza, merci pour l'élément biographique et pour la partie de vie qui est la vôtre à Herstal. Dour maintenant, Georges, bonjour. Bonjour Benjamin. On quitte la région liégeoise pour s'installer dans le Hainaut. La communauté italienne est forte également. Quand votre père arrive en 1946, il a quel âge ? Il a 26 ans exactement. Mais il est du début. 46, c'est vraiment le début. Il est de la première salve. Disons peut-être bien la deuxième parce qu'il y avait déjà des personnes qu'il connaissait de sa région qui étaient déjà arrivées ici dans le Hainaut, plus précisément dans... vers Boussu et Dour. Géographiquement, est-ce qu'en arrivant ici, dans la région de Dour, il trouve quelque chose de mieux en termes de paysage, d'ambiance, de qualité de vie ? Est-ce qu'il a l'impression d'arriver dans un mieux ? Au niveau des paysages, je dirais bien que non, parce que là où il habitait avec toute sa famille, c'était la montagne, donc les Abruzzes sont magnifiques par rapport au Borinage. Donc, quitter sa montagne magnifique vers... Le Borinage, là où c'est quand même assez noir, après la guerre, bien entendu. Pour lui, c'était un plus, puisqu'il n'avait plus rien pour se nourrir en Italie, puisque c'était après la guerre, et les personnes étaient quand même assez pauvres. Et comme je disais à votre collaboratrice, il venait aussi en tant que, entre guillemets, perdant de la guerre. Il avait fait la guerre enroulée d'office par l'armée de Mussolini. Et voilà, donc c'est aussi quelque chose de négatif pour lui. Est-ce qu'il a un moment épousé la Belgique où ce n'est jamais devenu sa nation, sa terre ? Il est toujours resté italien, tourné vers l'Italie. Ou à un moment, il a embrassé ce pays ? Il l'a embrassé ou il est resté un peu distant ? D'une manière humoristique, je peux vous dire qu'il l'a embrassé puisqu'il était papa de 8 enfants et il a épousé une Belge. Et voilà. Donc, du Borinage ? Donc il arrive dans le Borinage et il épouse une Belge du Borinage ? De Dour, oui, exactement. Et il n'avait pas envie d'une Italienne, votre papa ? Et ça, j'étais pas là pour le conseiller ou pas. Donc ça, c'est l'amour. Hein, donc, C'est toute la question. Du coup, c'est la question qu'on peut poser à ceux et celles qui ont de la famille italienne. Est-ce qu'à ce moment-là, il était de bon ton de se marier avec un Italien ou de faire ce qu'on appelle aujourd'hui un mariage mixte avec une Belge ? Georges, on se comprend. À Dour et 8 enfants, sa manière d'embrasser le pays. On va marquer une nouvelle pause et puis nous irons à Malmedy. Rinaldo nous dira aussi dans l'arbre généalogique quel est le premier de la famille à avoir mis un pied dans ce pays. Depuis des années, JC Car vous garantit un service VIP pour votre Land Rover. Dès le 1er juin, retrouvez la même qualité de service pour la réparation de votre Jaguar. Votre Land Rover et les réparations officielles Jaguar méritent le meilleur. JC Car à Wem. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. 70 ans d'immigration italienne. Vivacité se colore en vert, blanc et rouge. Tous les jours, gagnez votre restaurant italien dans le 5 à 7 avec Cyril. Samedi, émission spéciale en cuisine italienne. Envoyez vos meilleures recettes de pâtes sur vivacité.be, une authentique cafetière espresso italienne à gagner. Et dimanche, dès 10h30, ces années-là, spéciale Italie. Toute l'Italie est sur Vivacité. Il découvre RTBF Ovio. Et donc là, je suis dans la rubrique enfant, il y a les Schtroumpfs, le petit Spirou, et je peux regarder ça quand je veux, où je veux. Si je loupe une émission radio, je peux l'écouter en podcast. Oh, c'est super. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Événement à ne pas manquer à Nandrin. Grande braderie d'été à la différence. Du jeudi 2 au dimanche 5 juin, des centaines d'articles à mini prix sous chapiteau. À Nandrin, la différence. Sélection, bonjour. Bonjour, Gert Freyne à l'appareil. Vous offrez des réductions pour les footballeurs connus? Oui, monsieur Vreyen, oui. Oh, spécialement pour vous, il y a des promos diaboliques. Et avec vos 50 sélections pour l'équipe nationale, oui, quand même, j'ajoute un pronostic. Oh, spécialement pour moi? Non, en fait, c'est pour tout le monde, mais voilà. Profitez de promos diables chez Sélection et participez à notre concours foot. Sélection, meilleur et pas plus cher. Et au 070-233-466, 70 ans que les Italiens sont donc arrivés en Belgique avec parfois la fin de l'histoire et même souvent une fin d'histoire, Marion, qui est terrible puisque beaucoup de ces Italiens arrivés ont perdu la vie dans les mines. Hein. Exactement, beaucoup de personnes téléphonent pour raconter qu'un membre de leur famille est décédé dans la mine. Éric de Charleroi, son grand-père Augusto, est le premier de sa famille à être arrivé en Belgique avec sa femme Ida. Et Augusto était originaire de Vicenza dans le nord de l'Italie, près de Venise. Il est arrivé quand il avait 30 ans et est décédé très jeune, à l'âge de 50 ans, donc 20 ans après son arrivée seulement. Il est décédé de la maladie du mineur, une maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussière due au travail dans la mine. Sa famille Ida est cependant restée en Belgique après son décès. Avec ses 7 enfants, ils vivaient l'un sur l'autre dans une toute petite maison de mineur. Danny de Modave, lui, c'est son père spirituel italien, Gino, qui est arrivé en Belgique en 1948. Il venait de Rimini. Il a travaillé dans la mine. Et il a été dégoûté de voir les conditions de travail des mineurs et le nombre de décès assez élevé. Il a donc décidé de lutter pour le droit des mineurs. Il y a consacré sa vie et a même participé à la loi contre la silicose chez les mineurs. Et enfin, Jean-François de Marcinelle, lui, souligne le courage de tous ces Italiens qui sont descendus dans les mines, alors que le Belge n'a pas spécialement eu ce courage. Il a une pensée émue surtout pour les familles de ces 262 morts du bois de Cazier en 56. Jean-François avait 9 ans à l'époque. Il se souvient de cet incident comme si c'était hier, ça l'a marqué au fer rouge. Il se rappelle, ses parents ont recueilli 2 enfants d'un mineur qui est décédé. Ils sont restés chez eux quelques jours et Jean-François a adoré passer du temps avec eux. Dans tous les coins de la Belgique ce matin, à Malmedy, à Rinaldo en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Qui est le premier de la famille chez vous à poser le pied ici? Papa, en 46. Il est bien accueilli, il vous a raconté l'accueil? Où l'accueil des Belges est hostile. Il est bien accueilli, il vient pour travailler. Donc, mais moi, je me souviens des baraquements dans lesquels il était logé. Ça ressemblait à quoi? Les anciens baraquements de prisonniers. Je les ai vus. C'est une image qui est restée dans ma mémoire. Ça. Mais en Italie, on lui avait promis un logement. Est-ce qu'on lui avait dit que ce serait un baraquement? Non. Parce que bon, ils se retrouvaient entre eux, entre hommes. En général, les familles venaient après. Est-ce qu'il vous parle de l'accueil des Belges? Est-ce qu'on regarde ces Italiens d'un air bizarre? Non, pas tellement. De ce côté-là, il n'a jamais parlé. C'est vrai qu'il était assez social, disons, mais il n'a pas eu vraiment de problème avec les Belges, non. En plus, c'était dans le pays terre, donc c'est plutôt la campagne, genre, sont différents, disons, des villes. Quand il arrive ici en 46, il a des notions de français ou pas du tout? À peine. Comment il a appris? Il vous a raconté ça, son apprentissage de la langue? Mais disons qu'il avait fait un peu d'études en Italie avant que Mussolini n'arrive, donc il avait quand même certaines bases. Mais alors, bon, ben on apprend sur le tas. Maman n'a jamais vraiment parlé français correctement, elle, par exemple. Il y avait on parlait français, un peu wallon, un peu de patois italien, donc voilà. Il rencontre votre maman ici ou votre maman vient d'Italie? Elle est en Italie, elle est restée en Italie un an, elle est venue en 47, elle avec ma sœur. Elle arrive en 47, vous naissez en quelle année, vous, Rinaldo? Moi, je suis né en 48. Et vous êtes né en 48. Dans le fond, votre père, il garde quoi comme souvenir de ce moment d'arrivée? C'était dur, il était déboussolé, il était content, il venait chercher de l'argent. Il a gardé quel souvenir de l'arrivée? Ben, il venait surtout pour chercher de l'argent, entre guillemets, parce qu'il fallait nourrir la famille. Bon, le 46, c'est juste après la guerre, donc il ne restait plus rien nulle part. Et qu'est-ce donc, qu'il disait de l'Italie? Pour pouvoir nourrir une fille et une femme. Dans le fond, jusqu'ici, on s'est demandé quel était le regard sur la Belgique, mais qu'est-ce qu'il disait de l'Italie, votre père? Il est parti fâché avec l'Italie, il est parti en manque de l'Italie. Qu'est-ce qu'il disait de l'Italie? Non, il était un peu en manque, mais pas fâché. C'était si ça devait être fait, voilà. Il est retourné souvent en Italie après ou plus? Non, il est retourné de nombreuses années après. Bon, bah, et après 10 ans de mine, il est devenu invalide. Il avait la poussière de... Non, pas dans les poumons, lui, mais dans le sang. Donc, il s'est retrouvé invalide après 10 ans de mine. C'est la mine qui a tué votre papa? Entre guillemets, oui, je crois. Il est décédé à 63 ans, voilà. Alors, quel regard vous portez sur ses 70 ans? Donc, c'était un accord. Donne-moi des Italiens et je te donne du charbon. Mais votre père est mort, entre guillemets, de la mine. Quel regard vous portez donc sur cet accord de 1946? Disons que c'est un accord comme tous les accords faits avec les gouvernements. Il faut faire tourner le pays et puis voilà, il venait pour un sac de charbon. J'ai lu entre autres le livre du professeur d'université Borelli là, qui en parle. C'est vrai que c'était dur, mais il ne venait pas, disons, il ne se sentait pas comme un troc. Il venait parce qu'il fallait le faire pour la famille. Ce n'était pas la perception d'avoir été une marchandise échangée. Merci Rinaldo à Malmedy avec le récit d'une arrivée en 1946. C'est le début au moment de la signature de l'accord. Nous sommes à Liège. Uvo est en ligne. Bonjour. Bonjour. Et vous avez 82 ans. Oui. Qui est arrivé en premier dans votre famille, ici? C'est moi. C'est vous? Vous avez travaillé dans les mines ou ça? À la Baclure. Ici à Liège, au tiers à Liège. Quand vous arrivez et qu'on vous envoie à la mine, vous êtes bien accueilli ou le travail est dur, plus dur que vous ne l'aviez imaginé? Oh, c'était tellement dur que le premier jour, je fais les valises pour retourner en Italie, mais c'est mon cas, c'est particulier. Je suis venu ici pour ne pas faire le service militaire. Je ne voulais pas faire 18 mois de service militaire. J'avais du travail en Italie dans une laminoire où j'ai travaillé des années, où mon frère a travaillé toute sa carrière. Donc vous aviez du boulot, parce que tous les autres, ils étaient sur le bord de route en train de... Oui, moi j'avais du boulot en Italie, je suis venu ici pour ne pas faire le service militaire. Et j'ai travaillé 16 ans dans la mine contre 18 mois de service militaire. C'était mieux payé la mine que le laminoir en Italie? Non, mais en Italie, on n'était pas tellement bien payé, mais ici à la mine, c'était pas fameux non plus, parce que moi, comme manœuvre, quand je suis arrivé ici, j'avais difficile d'arriver à la fin du mois, payer la cantine, enfin la cantine, c'était les baraques des prisonniers de guerre, payer les frais de la cantine, et bien ça restait pas grand-chose à la fin du mois. Uvo, vous arrivez en 1955. On nous a dit que les tests médicaux en Italie étaient durs parce qu'on vous considérait parfois comme un animal. Puis quand on arrivait ici, on allait au charbonnage en étant considéré comme un animal. C'est ça que vous avez vécu? Ben, quand je suis arrivé ici, on était accueillis à la gare de Guillemets avec des camions, avec des badges. Là, on disait, toi, tu vas dans tes charbonnages, ça dans l'autre. Puis la deuxième chose qu'on a fait à la police des étrangers, 10 empreintes digitales, pas une, 10. C'était pour moi, c'était comme si j'étais un criminel. Puis les habitations, on nous avait promis dans le contrat un logement décent. Eh bien, on arrive dans les baraques des prisonniers de guerre. On arrive ici, à Liège, où j'habite toujours. Combien de temps après, vous êtes resté dans ce baraquement de prisonniers de guerre? Pas beaucoup de mois. J'ai trouvé un logement dans le privé et j'ai quitté parce qu'on ne pouvait pas se reposer dans les baraques. Il y avait des gens qui allaient, ils venaient tout le temps, il y avait des familles, il y avait un peu de tout là. Il y avait, et on ne pouvait pas se reposer. Uvo, je suis allé habiter dans une maison privée, alors. Dites-moi avec le recul, c'était un bon deal ou c'était un mauvais deal? J'ai pas compris les mots. Le contrat de 46 du 23 juin, des hommes contre du charbon, c'était un bon deal, un bon contrat ou c'était un mauvais contrat? Bon, vous savez, l'Italie voulait se débarrasser des gens qui auraient pu créer des troubles sociaux en Italie. Ils nous ont envoyé ici sans mettre beaucoup de conditions sur le travail et notre vie ici en Belgique. Vous êtes le premier à prendre ces mots-là. Hein. L'Italie a voulu se débarrasser de nous. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes le premier à le signaler. Uvo, merci d'être venu à nous en ayant vécu cette tranche d'histoire. Vous avez 82 ans ce matin. Il est 10h33, c'est l'heure de la proportion maintenant. Marion, dans les appelants de ce matin, combien estiment que les Italiens issus de l'immigration ont regretté de ne pas être retournés vivre en Italie? 25% seulement regrettent de ne pas être retournés vivre en Italie. Ces 25% remettent en cause l'accueil des Belges qui n'a pas été assez chaleureux. Il reproche d'ailleurs un manque cruel d'intégration. Mario de Carnion aurait préféré que son père décide de retourner vivre en Italie pour le soleil, la joie de vivre italienne, la langue chantée et la cuisine exceptionnelle. RTBF Mobile Info, Marjorie. Mais oui, alors on reparle évidemment de cette Nationale 4 où nous avions toujours un nettoyage qui est en cours à hauteur de bande. Conséquence, eh bien, vous roulez sur une voie dans les deux sens sur cette Nationale 4. Donc la circulation évidemment se fait au ralenti. Restez bien prudents si vous roulez dans le secteur de Nassogne, en province du Luxembourg en général et aussi en province de Liège. Province de Liège où vous perdez encore quelques minutes suite aux travaux entre Sarlespa et Polleur sur le 42 vers Bâtisse. Concernant la 54 Nivelles Charleroi, les travaux à Pontacel, entre Pontacel et Timéon provoquent encore une circulation légèrement ralentie vers Charleroi. Et concernant le ring, on nous a signalé une poutre en bois sur la chaussée à hauteur de Villevorde, kilomètre 36.5. Elle est peut-être encore présente en direction de Grand Bigard. Restez prudents. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Une ASBL croissance est accusée par la dernière heure de faire du prêche anti-avortement dans les écoles primaires au moment des cours d'éducation à la vie relationnelle et affective. Est-ce que c'est vrai? J'attends un nom dans ce dossier après la pause. Tous les Belges seront derrière les diables et les plus malins sont déjà chez Intermarché. Vous aussi profitez de nos offres offensives comme le colis boucherie 5 kg plus 5 kg gratis, soit seulement 3,78€ le kilo. Détail de l'offre en magasin. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Comment négocier un super smartphone à prix réduit? Aujourd'hui, le cas de la seconde main. Bonjour, je peux voir ce smartphone là? Oui, voici. Merci. Et voilà, maintenant que je l'ai utilisé, les deuxièmes mains, vous me le faites à moitié prix. Passez plutôt à Voomobile, votre smartphone est déjà négocié. Avec un des forfaits Voomobile, profitez du tout nouveau Samsung S7 à 199€ et 1 giga de data en plus par mois. Découvrez toute la gamme dans nos boutiques ou sur voo.be. Il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition. Fnac. Vous cherchez le cadeau idéal pour un papa moderne fou de technologie? Ne cherchez plus. La gamme des PC Windows 10 est faite pour lui. À la FNAC, profitez maintenant d'une réduction de 10%. FNAC, offre soumise à condition. Kova Outils, le spécialiste liégeois de l'outillage professionnel, inaugure son nouveau showroom dédié aux machines bois et métal. Une gamme unique à découvrir ce vendredi 3 juin, de 10 à 18h. Pour l'occasion, démo et offres spéciales sur toute la gamme. Kova Outils, dans le zoning de Bonnefortune, à Grasse-Ologne. Kova-outils.be. Kova Outils, l'outillage professionnel pour les professionnels. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan Bylance à Liège et à Serein. Du 3 au 11 juin, profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les dernières technologies Nissan. Nissan Bylance, boulevard de Douai à Liège et zoning de la Troc à Serein. Ouvert dimanche 5 juin. Nissan, innovation that excites. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Vous savez que dans les écoles, il y a des cours sur la vie relationnelle, sur la vie affective. Chaque école décide de faire avec ses propres moyens, avec ses propres enseignants, ou elle peut faire appel à des ASBL extérieurs. Eh bien, une ASBL qui s'appelle Croissance est accusée par la dernière heure d'avoir fait et de faire du prêche anti-avortement. Cette ASBL, en 2014-2015, aurait croisé plus de 20 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 3000 élèves de 5e et 6e primaire qui ont systématiquement été confrontés à un message pro-vie et donc anti-avortement, car cette association, cette ASBL serait teintée de chrétienté. On tente de vérifier si cette accusation faite par la dernière heure ce matin est correcte ou pas correcte. Sophie Buzinaro, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. À qui parlera-t-on tout à l'heure? Alors, vous allez parler à Sylvie Losberg, directrice de la cellule études et stratégies du Centre d'Action Laïque. Elle a tout de suite accepté de discuter à propos de ce sujet. Elle m'a fait savoir qu'elle n'appréciait pas du tout ce genre d'association qui manque cruellement d'honnêteté envers leur public cible, à savoir les adolescents. Selon elle, le groupe Croissance n'annonce pas la couleur dès le début, puisqu'il faut se rendre sur leur page internet pour comprendre et connaître les valeurs évangéliques et chrétiennes qui font partie de cette association, ce qui pourrait aller du mensonge par omission. Dans notre pays, la contraception est permise sans l'accord parental. Il faut laisser les jeunes y avoir recours, sans prêcher l'inverse dans les écoles. Elle conseille plutôt des sites comme loveattitude.be, reconnu par la communauté française et tout à fait apte à vous aider en matière de contraception et d'avortement, Benjamin. À parenthèse, puisqu'on parlera pas à Croissance, qui aurait pu se défendre, vous avez tenté de les contacter ce matin? En effet, j'ai tenté de les contacter sans succès. Je tombe toujours sur la boîte vocale et je n'ai aucun moyen de les contacter autrement. Ah, pas de chance. Donc, on verra ce qu'en disent les observateurs extérieurs, puisque cette association est aux abonnés absents. Vous voulez orienter la conversation? Laissez votre commentaire à Marion Standard. Et pour Justine de Champion, ce sont les écoles qui sont responsables. C'est elles qui choisissent les intervenants qu'elles invitent. Et donc, c'est à elles de contrôler les contenus et discours que les animateurs transmettent. Justine est furieuse de savoir que certaines écoles ne se renseignent pas du tout avant d'inviter ce genre d'intervenants. Elle voudrait que toutes les écoles qui ont donné des cours d'éducation à la vie relationnelle et affective via l'ASBL Croissance, redonne ses cours via d'autres ASBL qui, elles, ont un avis neutre. La question qui dérange tout à l'heure, une ASBL Croissance accusée de militantisme pro-vie anti-avortement auprès des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que cette accusation est mensongère ou elle est correcte? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation. Les Italiens ont choisi une conversation sur les 70 ans de l'immigration italienne. Cet accord du 23 juin 1946. La question, dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? Au 070-233-466 et par SMS au 3063. Nous allons à Serein. Liliane en ligne, bonjour. Bonjour. La vague d'immigration, c'est à partir de 1946. Le premier dans votre famille, c'est qui et il vient en quelle année? C'est mon grand-père en 1925. Bien avant, comment il s'est retrouvé ici, votre grand-père? Eh bien, ça, je n'en sais rien. Je n'en sais, c'est une histoire que je ne connais pas. Je sais qu'il y est resté 5 ans, jusqu'en 1930. En 1930, il ne voulait absolument plus rester ici, tellement c'était dur de travailler dans la mine. Il est rentré au pays et il a dit à mon papa, « Maintenant, tu as 17 ans, il est temps que tu subviennes aux besoins du ménage et c'est toi qui prends le relais. » Et mon papa est arrivé tout seul ici en 1930 avec deux amis. Donc c'est voilà. Votre grand-père qui a envoyé votre papa, sans mauvais jeu de mots, au charbon? Oui, tout à fait. Tout à fait. Votre papa arrive en 1930. Oui. On est là aussi avant la vague. En 46, quand tous les autres Italiens commencent à arriver, votre papa est rejoint par des amis ou il n'avait plus d'amis en Italie? Absolument pas. Mais mon papa, qui est venu jeune ici puisqu'il avait 17 ans, s'est très bien intégré à la Belgique. Au point que moi, quand je suis née en 1947, chez moi, on parlait français. On ne parlait pas italien. D'ailleurs, je n'ai pas appris l'italien à cette époque-là. Je l'ai appris bien plus tard. Ah ben alors qu'il y avait plein d'Italiens qui, eux, ne parlaient pas le français. Eh bien, oui. Et moi, mon papa s'est intégré. Il est allé travailler dans la mine. Il s'est intégré avec tout le monde, mais il y avait peu d'Italiens à l'époque, pour peu. Et il a d'abord parlé le wallon avant de parler le français. Votre papa, voilà. Il en a voulu à son papa de l'avoir envoyé ici? Oui. Oui? Oui, parce qu'il vivait dans un pays montagneux, où tout était brillant, merveilleux, et ici se retrouvait au fond de la mine, et c'était dur, dur, dur. Quels ont été les rapports, alors, par après, avec son propre papa? Il le voyait encore, ou il n'y a plus de contact? Les rapports ont été tronqués, parce que mon grand-père était à peine retourné en Italie qu'il est mort. Et donc les contacts ont été forcément, par la force des choses, interrompus. Liliane, vous êtes à Serein ce matin, avant la vague d'immigration. 10h42, on appelle les experts. Il est le directeur du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations à l'Université de Liège, Marco Martignello, en ligne. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé de ces Italiens qui étaient venus ici. Il nous manque un mot pour compléter le tableau sur l'Italie. L'Italie de 1946, c'est quoi? C'est un pays qui se débarrasse de ses hommes? Ben, c'est un pays qui va exporter ses pauvres. C'est un pays qui connaît pas mal de difficultés économiques, qui connaît des difficultés politiques. Et donc, à l'époque, un moyen de lutter contre le chômage est de faire partir ces personnes qui vont arriver en Belgique, mais aussi en Allemagne et dans d'autres pays. Qu'a récupéré exactement l'Italie en exportant ses pauvres, pour reprendre vos mots? Qu'a récupéré l'Italie? Du charbon uniquement? Elle a récupéré du charbon qui a pu alors être utilisé pour le développement économique du nord de l'Italie, en fait. Est-ce que le départ d'une grande quantité de main-d'œuvre a permis le redéploiement, la reconversion italienne? Elle a permis, en tout cas, l'industrialisation, mais d'une seule partie de l'Italie. Donc, les trois quarts de l'Italie ne se sont pas développés à ce moment-là. C'est simplement ce qui est devenu après le triangle industriel du nord-ouest de l'Italie qui a profité largement de ces accords, en fait. L'Italie, par après, comment elle s'est positionnée par rapport à ces hommes et à ces femmes qui étaient partis? Est-ce qu'elle a un moment voulu les récupérer ou pour elle, c'était de la population perdue et hors champ de préoccupation? Alors, ça a changé au cours du temps. Dans un premier temps, on voulait ignorer un peu cette partie de l'histoire. Et puis, avec la catastrophe de Marcinelle, il a été difficile d'ignorer ces gens qui allaient mourir dans les charbonnages, notamment en Belgique. Mais avec le temps, plus les Italiens s'intégraient en Belgique, plus, quelque part, ils devenaient intéressants pour l'Italie. Et donc, l'Italie a cessé de les appeler les immigrés pour les appeler les citoyens italiens à l'étranger, en espérant que, peut-être, ils allaient pouvoir rétablir des liens et contribuer aussi d'une autre manière au développement économique de l'Italie. Ça veut dire quoi? Très clairement, ne veulent jamais perdre leurs citoyens, en réalité. On voulait que ces gens reviennent avec leur pouvoir d'achat obtenu en Belgique, c'était ça l'idée? Non, on voulait plutôt que quelque chose retourne en Italie, pas nécessairement les gens, mais des ressources, en fait. L'Italie n'a jamais eu vraiment une politique active de retour. Et imaginez-vous, il y a des millions d'Italiens de par le monde. S'ils rentraient tous en Italie, la situation serait très, très, très difficile, beaucoup plus difficile encore que la situation que connaît l'Italie aujourd'hui dans le cadre de la crise, entre guillemets, des réfugiés. Est-ce que l'Italie a menti à ces gens qui sont partis ou est-ce que la Belgique a menti à ces gens qui sont partis, notamment sur les logements? C'est l'exemple le plus emblématique. On a dit des logements, c'était des baraquements. Est-ce qu'on a menti à ces gens qui sont venus ici? C'est un peu difficile à dire, mais il est clair en tout cas que la situation que les Italiens ont connue en arrivant ne correspondait peut-être pas aux rêves qu'ils avaient, mais il faut dire aussi que la situation de la classe ouvrière belge à l'époque n'est pas reluisante non plus. Et donc les Italiens arrivent dans un pays, la Belgique, qui est aussi très frappée par la guerre et qui doit se relever. Et donc quelque part, tout le monde est un peu logé à la même enseigne, avec une grande différence. Au départ, les Italiens sont victimes en Belgique de discrimination et de racisme, qui va s'atténuer avec le temps. Mais penser aujourd'hui que tout a été rose dans les années 40 et 50, ça c'est un mensonge. Et ça devient aujourd'hui, c'est ça le paradoxe de l'histoire, un moment plutôt festif, teinté de nostalgie et de souvenirs. Merci Marco Martignello, vous êtes le directeur du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations à l'Université de Liège. On va se connecter au 070-233-466, Marion, avec pas mal de familles d'Italiens qui reviennent sur les insultes lancées aux petits qui découvraient donc l'école de Belgique. Effectivement, l'intégration n'a pas toujours été facile, surtout pour les enfants à l'école. Les autres enfants étaient très cruels envers eux. Loredana de Andrimont se rappelle que quand elle était petite, à l'école, les autres élèves appelaient les enfants d'origine italienne les macaroni. Au départ, ils n'étaient pas bien vus et les enfants italiens jouaient uniquement entre eux. Bouffeur de pizza, c'est l'insulte que les élèves de la classe de Massimo de Boussu lui disaient le plus souvent. Une insulte qui a laissé une grosse empreinte sur Massimo, puisque aujourd'hui, ne veut plus manger de pizza. Santino de Vossem se rappelle que les autres élèves se moquaient de son accent. Dès qu'il devait parler en classe ou réciter un poème, ce n'était que rire. Les autres enfants le suivaient en répétant tout après lui et en exagérant son accent. Ça a beaucoup vexé Santino, qui a beaucoup travaillé sur son accent pour au final ne plus l'avoir du tout. Voilà pour ce chapitre consacré à l'Italie. Dans un instant, question qui dérange, une ASBL qui fait du militantisme pro-vie anti-avortement dans nos écoles. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Il découvre RTBF Ovio. Il me propose automatiquement des choses qui me plairaient. Ah, on peut rien rater, c'est génial. Oh, je vois qu'il y a un bouton en direct. Je peux les regarder maintenant, là, tout de suite. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Samedi, de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. À une heure de nos frontières, la Haute-Somme en Picardie est une destination de nature et d'histoire. Nous vous y offrons un séjour à la porte de Bretagne, une jolie maison d'hôte dans le cœur historique de Péronne. Et en suivant les méandres de la Somme, vous y découvrirez des villages de charme, des étangs et des sites de mémoire. La Grande Évasion, avec Philippe Geniaud et Émilie de Kegel. Nouvelle Fiat Tipo 5 porte à partir de 13 200 €. 4 ans de garantie inclus. Il en faut peu pour recevoir beaucoup. À découvrir spécialement aux établissements Constant lors de nos portes ouvertes des 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah mais je l'avais dit, hein, tant que le jackpot n'a pas été gagné, je continue mes blagues idiotes. Alors attention, que fait un Américain avant de mettre ses chaussures ? Il masse sa chaussette. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là j'arrêterai mes blagues. Là oui. Merci loto. De vos ou Elements. Ou les packs demain, on a un grand barbecue, hein. Et alors ? Ah bah, il faut pas se coucher trop tard. Bah, pourquoi ? Parce que si on veut être en forme, faut qu'on aille au lit. Ouais ! L'aille au lit qui donne du goût à l'été. La voilà ! De vos Elements. À table ! Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, en vente en pharmacie. Info sur réductin.be. Actuellement chez Casa, une chaise de plage pliante pour 12,99€ seulement. Découvrez le nouveau dépliant sur casashops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Il y a dans nos écoles des cours d'éducation à la vie relationnelle et affective. 3000 enfants de 5e et 6e primaire auraient été placés dans les mains de la SBL Croissance qui fait du militantisme anti-avortement. Avant d'interpeller le Centre d'Action Laïque, dernier commentaire au standard, Marion. Et Carole de Gramont trouve que cette ASBL est à la limite de l'endoctrinement, du lavage de cerveau, car elle fait exprès de s'adresser à des adolescents qui se cherchent et qui sont assez crédules que pour les croire. Elle se demande si cette ASBL peut être considérée comme une secte. C'est la question que Carole souhaiterait que vous posiez à Sylvie Losberg. Benjamin. Directrice de la cellule études et stratégies du Centre d'Action Laïque, Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Est-ce que ces ASBL qui vont dans les écoles donner cours à nos enfants sont toutes agréées par les autorités de l'enseignement ou chaque école est libre de prendre celui qu'il croise ? Oui, donc aujourd'hui, depuis 2012, puisque l'éducation sexuelle est inscrite dans les missions de l'école, les écoles ont l'obligation d'organiser des animations, mais elles le font avec les partenaires qu'elles choisissent. Elles choisissent. Est-ce que cette ASBL a le droit d'avoir un point de vue, ou pour le dire autrement, si cette ASBL effectivement défend la vie et dénonce l'avortement, est-ce qu'elle a le droit de venir avec un point de vue ? Alors ça c'est évidemment toute la question de l'enseignement en Belgique avec la liberté des chefs d'établissement et des pouvoirs organisateurs. En ce qui nous concerne, le problème n'est pas tellement qu'ils défendent un point de vue qui évidemment n'est pas le nôtre, puisque nous défendons l'accès à l'avortement et à la contraception, mais qu'ils le fassent sans annoncer la couleur. Ce n'est vraiment pas dit au préfet des Athénées, ce n'est pas indiqué clairement, et pourtant quand on cherche dans les petits caractères, mais il faut aller jusque dans nos formations, on trouve les valeurs essentielles de l'évangile et la protection de la vie dès la conception. Donc normalement, un groupe qui veut intervenir doit pouvoir dire, voilà, nous sommes porteurs d'une telle tendance philosophique ou religieuse, et pas le faire sous couvert de, nous allons faire l'éducation sexuelle pour tous les élèves, comme si au fond, ils étaient simplement formés à l'éducation sexuelle. Leur but premier, c'est l'évangélisation. Ah ben alors, cette ASBL croissance que certains ont peut-être déjà croisée dans l'école de leurs enfants, c'est une émanation de qui ? De où ? C'est l'évêché qui a trouvé un nom d'ASBL ? Non, je pense que c'est un groupe de personnes qui sont pénétrés des valeurs chrétiennes, qui ont mis ça en place apparemment il y a déjà 30 ans, mais qui évidemment ont profité du décret mission de 2012 pour mettre en avant leurs activités, leurs animations, et pour rentrer dans les écoles, je vous le dis, d'une manière que je trouve non transparente. Mais donc c'est pas une émanation de l'Église, c'est pas le bras armé de l'Église. Il faudrait leur demander, je pense que c'est très clairement un groupe qui, dont tous les intervenants viennent de l'Université catholique de Louvain, il faudrait poser la question à ces personnes, quels sont leurs liens et comment ils sont financés. Je voudrais quand même signaler que ce groupe se fait payer par les écoles, hein. Donc c'est pas gratuit, hein. Alors que normalement, les animations de centres de planning dans les écoles, c'est pris en charge par... Si faute il y a, où est la faute? La faute, c'est dans le chef d'une direction d'école qui ne vérifie pas le pédigré de l'ASBL qui vient voir les élèves. C'est là qu'est la faute, dans les directions d'école? Non, je pense que le problème vient de l'association qui ment par omission au pouvoir organisateur et au préfet. L'autre problème, c'est celui d'un non-label. Il faudrait que, depuis qu'on a généralisé, on ait trouvé un moyen de labelliser les associations qui rentrent dans les écoles pour qu'elles correspondent à la vision de la société que l'État défend. On défend en Belgique un accès à l'avortement et à la contraception pour les jeunes. On défend une libre parole sur la sexualité. Alors, on peut prôner la chasteté, comme le fait ce groupe, par exemple, mais en Belgique, la norme, c'est une sexualité épanouie, sans tabou. Et donc là, je pense que ça pose vraiment un problème. Et donc ça, c'est clair. Dans les classes, les membres de cette ASBL disent aux enfants « chasteté, c'est le bon message ». Ils disent ça. Écoutez, il suffit de lire leur site internet, hein, et de voir, au fond, sur quelles valeurs ils se basent, hein. Donc quand on dit, par exemple, « admiration et respect pour toute vie humaine », ceux qui connaissent la sémantique savent que ça veut dire « pas d'avortement ». Dire, par exemple, que il faut avoir une sexualité responsable. Qu'est-ce que ça veut dire, une sexualité responsable? Voilà, et je pense que c'est là qu'il y a un problème. Donc il y a un détournement sémantique. Détournement sémantique, il y a une série de mots donc connotés de, bien sûr, c'est ça la règle, c'est votre version, et vous êtes directrice de la cellule études et stratégies du Centre d'Action Laïque, avec un regard sévère sur cette ASBL croissance. Merci Sylvie Losberg d'être venue donner votre position ce matin. On va marquer une nouvelle pause, et puis on va vers les enseignements de ce vendredi. 70 ans d'immigration italienne. Vivacité se colore en vert, blanc et rouge. Tous les jours, gagnez votre restaurant italien dans le 5 à 7 avec Cyril. Samedi, émission spéciale en cuisine italienne. Envoyez vos meilleures recettes de pâtes sur vivacité.be. Une authentique cafetière espresso italienne à gagner. Et dimanche, dès 10h30, ces années-là, spécial Italie. Toute l'Italie est sur Vivacité. Waouh, elles viennent d'où tes chaussures? De chez Maloïc Chaussures à Herve. Dans la galerie La Neuve, on y trouve des marques pour femmes et enfants telles que Sweet Lemon, 181, CKS. Tout ça avec des conseils personnalisés pour chaque client. Oh, j'adore! Le commerce autrement. Localisie.com. Localisie.com. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Pour sa grande quinzaine de l'occasion, le Garage U vous offre une deuxième année de garantie sur 80 véhicules de qualité. Garage U, à Chénet, au pied de la Côte d'Ambourg, et à Herstal, au rond-point Coronneuse. 2 ans de garantie sur 80 occasions Seat et Skoda. Skoda U, le service en plus. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Vivacité et la Une présente les Belgian Air Force Days. Les 25 et 26 juin, pour les 70 ans de la force aérienne, la deuxième Wing Tactique de Florène vous ouvre ses portes. Patrouille acrobatique, avion d'hier et d'aujourd'hui, hélicoptère, exposition, animation. Info belgianairforcedays.be. Avec l'avenir et Canal C. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. c'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. Était-ce belle aux valeurs chrétiennes dans les écoles qui donnaient cours d'éducation sexuelle? Page Facebook, Zoé Boss. La page Facebook où vous êtes 35 450 à faire le débat ce matin, dont Fabienne. Pour Fabienne, la SBL Groupe Croissance est une secte à éradiquer FISA. Elle ne souhaite pas prôner l'avortement à tout va, mais exige une bonne éducation sexuelle et des cours bien menés sur les moyens de contraception. Fabienne le rappelle, une contraception à portée de tous, c'est la solution face à l'avortement, Benjamin. Vous avez choisi une conversation, les Italiens ont choisi une conversation sur les 70 ans de l'immigration dans votre famille. Qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? Dans les enseignements de ce matin, on retiendra une série de portraits, évidemment, souvent l'histoire d'hommes sans emploi, parfois dans les champs, qui arrivent ici parce que les salaires sont stables. Il y avait consensus sur les salaires stables. Ces Italiens de la première heure, souvent morts de la maladie des mineurs, ce qui évidemment nous oblige à revisiter un peu l'histoire qui n'est pas si belle que ça. Et puis on aura retenu le mensonge sur les logements et la sensation parfois d'avoir été traité comme un animal. Notez, si cette conversation vous intéresse, qu'il y a une grande soirée consacrée aux Italiens sur la 3, demain soir en télé. Au standard, dernière personne à laquelle vous avez parlé, Marion. C'était Fabienne de Ballonne, le premier à être arrivé en Belgique dans la famille de Fabienne. C'est son grand-père Giovanni. Il venait de Treviso, près de Milan, pour l'Eldorado belge de la mine. Quand Fabienne est née, Giovanni ne travaillait déjà plus dans les mines, mais elle se souvient de sa toux. C'est d'ailleurs le seul souvenir qu'elle a de lui. Il est décédé en 1981 de la maladie des mineurs. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur ces Italiens qui sont arrivés dès 46 parmi les moments de ce matin. Il y a eu Tordi de Saint-Nicolas à 10h11. Benjamin, vous lui avez demandé qui de sa famille était le premier à avoir posé le pied sur le sol belge. C'est mon papa en 1960. C'est son bon frère qui a travaillé ici. Et alors, puis on a téléphoné. On lui a écrit des lettres. Et mon papa est revenu parce qu'il avait besoin de travail, parce qu'il avait 2 enfants. Il hésitait et son papa, mon grand-père, ne voulait pas qu'il parte en Belgique. C'est mon oncle qui l'a pris pour quelques mois. Et alors, il a commencé directement à travailler au charbonnage La Bonne Fortune en 60. Et nous, on est venus en 62. Il est arrivé en 53, mais il avait déjà fait 2 demandes en 52. Comme vous l'avez très bien dit, à Milan, il y avait des examens très rigoureux. Et il a été remballé 2 fois au Calambre pour des problèmes de santé. Parce qu'on voulait des hommes forts. Et c'était triste à dire. Il racontait toujours que les examinateurs les examinaient comme... Des animaux. Excusez-moi, mon fio. Exactement, oui. On examinait les dents, on examinait les pieds, parce qu'il fallait des hommes forts. Là où il habitait avec toute sa famille, c'était la montagne. Donc les Abruzzes sont magnifiques par rapport au Borinage. Donc quitter sa montagne magnifique vers le Borinage, là où c'est quand même assez noir, après la guerre, bien entendu. Pour lui, c'était un plus, puisqu'il n'avait plus rien pour se nourrir en Italie, puisque c'était après la guerre et les personnes étaient quand même assez pauvres. Il avait fait un peu d'études en Italie avant que Mussolini n'arrive, donc il avait quand même certaines bases. Mais alors, bon, ben on apprend sur le tas. Maman n'a jamais vraiment parlé français correctement. Elle, par exemple, on parlait français, un peu wallon, un peu de patois italien, donc voilà. Et voilà pour nos 2 heures de dialogue. Ciao, ciao à tutti. On revient donc lundi pour commenter ce pays avec sans bus ou sans train. On verra à lundi.